degrés de plus. Ce temps estival va se poursuivre vendredi avec 26 à 30 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Chaud, chaud, chaud, et ça va durer. On en avait besoin pour le moral, mais chez nous, pas de demi-mesure, vous l'avez entendu. On entre immédiatement en phase d'avertissement du niveau 2 du plan forte chaleur. La canicule guette, il faut être vigilant. Trop d'antibiotiques entre deux biberons pour nos bébés. Le constat des mutualités libres est inquiétant. Un nourrisson sur deux est soigné avec des antibiotiques et ce n'est pas comme cela qu'il faut faire, tonne un pédiatre que nous avons rencontré. Je prends l'antibiotique avec l'accord de mon médecin traitant quand c'est nécessaire, mais pas à tort et à travers pour tout et n'importe quoi parce que j'ai un petit mal à la gorge. Explication avec Simon Gérard dans ce journal. Le télétravail se porte bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à quitter le bureau pour travailler chez vous. Comment ça marche? Peut-on en profiter pour siroter un long apéro ou plonger dans la piscine quand on travaille chez soi? Pas vraiment. On le verra avec un employé d'une compagnie d'assurance à Bruxelles. Le secteur du tourisme en France, lui, se porte plutôt mal. 1 million de touristes en moins dans la région de Paris et dans les environs depuis le début de l'année. Les hôteliers et tire la langue. C'est le journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Boire, boire, boire, c'est ce qu'il faut faire pendant les jours qui viennent. Oui, et boire de l'eau, hein, surtout. C'est le premier conseil par la météo qui s'annonce. 28 degrés aujourd'hui, vous l'avez entendu, 32, même 33 degrés dans les jours à venir. Boire même si on n'a pas soif. Mais il y a d'autres conseils, notamment concernant aussi l'alimentation. Valentine Verdun est diététicienne dans une maison de repos à Scarbeck. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter donc en effet les repas. On va privilégier les plats froids, par exemple une roulade de jambon avec une salade. Et alors, on va aussi proposer et adapter les collations. Par exemple, aujourd'hui, c'était un fruit au menu et on a décidé en fait de distribuer des glaces à l'eau à la place. Comme ça, voilà, ça rafraîchit et ça hydrate en même temps les résidents, tout en leur faisant plaisir, bien sûr. Ce qu'on propose aussi, quand la température est chaude, c'est la boisson Gérostar. Donc en fait, c'est une boisson qui a été inventée par le professeur Rapin, un gériatre suisse, à base de jus d'agrumes, enrichi en sel et en sucre, ce qui permet en fait déjà un très bon goût, mais aussi une très bonne hydratation en fait pour la personne qui boit cette boisson. Valentine Verdun, diététicienne à la Cerisée à Scarbeck avec Françoise Berlaymont. Alors nous serons donc demain en phase d'avertissement de niveau 2 du plan forte chaleur, boire, on l'a dit, pas d'activité physique à l'extérieur pour les personnes fragiles, mais la chaleur, il faut le dire quand même, c'est aussi une bonne nouvelle hein, pour ceux qui vendent des glaces par exemple, pour ceux qui exploitent des piscines découvertes et globalement pour tous ceux qui ont le temps de profiter du soleil comme a pu s'en rendre compte Lorraine Mabukikua au jardin botanique et au parc de la Boverie à Liège. Est-ce que vous êtes contents que le soleil est là ? Oui ! On a décidé d'aller visiter le musée de la Boverie. Vu qu'il fait bon, ben, on est venu pique-niquer sur le parc. Comme ça, ils profitent un peu de la chaleur et du bon temps pour ne pas retourner tout de suite renfermé dans les locaux. En famille, ben, on a décidé de venir ici parce qu'il faisait beau, on voulait profiter. On a amené des raquettes, des jeux de cartes et tout ça. On a pique-niqué ici. Ça fait plaisir que le soleil soit revenu. Et voilà, on en profite pleinement. Décompresser le temps de midi avant de repartir au boulot. C'est magnifique parce que c'est calme, c'est tranquille. On peut les laisser courir, on peut les laisser rouler à vélo. 2016 sera une année record en matière de saisie de cocaïne en Belgique. Les douanes ont mis la main sur 22 tonnes de cocaïne depuis le début de l'année. En 2015, elles avaient seulement intercepté 16 tonnes de cette drogue. C'est en juin, juillet et août que les douanes ont fait les plus grosses prises. La coke est généralement retrouvée dans des sacs de sport, cachés dans des chargements légaux de conteneurs ou mélangée à des marchandises légales telles que de la poudre de poisson. On la retrouve encore dans des plaques de marbre ou des poutres en bois. 3 boîtes d'antibiotiques par an, c'est en moyenne ce qu'ingurgite un bébé en Belgique. Oui, les mutualités libres ont analysé la consommation de médicaments de 300 000 enfants. Les résultats sont interpellants. Un nourrisson sur deux a déjà consommé des antibiotiques. C'est beaucoup trop, d'autant que le plus souvent c'est inutile. Simon Gérard, la faute à qui ? Au médecin ? Ou aux parents? Mais la faute à tous les deux. La faute aux médecins belges qui prescrit trop d'antibiotiques, 3 fois plus que nos voisins néerlandais. deux fois plus que les Allemands. Mais c'est aussi la faute aux parents qui ne supportent plus de voir leurs enfants malades. Papa, maman veulent des résultats et vite, quitte à gaver le fiston ou la fille de médicaments. Alors, consommer trop d'antibiotiques, Simon, est-ce que c'est grave, docteur ? Oui, c'est grave. Pourquoi ? Parce qu'un antibiotique, ça sert à tuer en fait les mauvaises bactéries. Le problème, c'est que ces mauvaises bactéries s'adaptent très vite. Plus on consomme d'antibiotiques, plus les bactéries deviennent résistantes. Bref, pour Bernard Candy, chef de service à l'hôpital Saint-Joseph à Mons, il faut réfléchir à deux fois avant de donner un antibio à son enfant sous peine de graves conséquences. Lorsqu'on aura vraiment besoin d'un antibiotique pour une bactérie qui provoque une méningite, par exemple, on n'aura plus de médicaments. Ah, oui. Et je pense que c'est un réflexe citoyen de se dire non, je prends l'antibiotique avec l'accord de mon médecin traitant quand c'est nécessaire, mais pas à tort et à travers pour tout et n'importe quoi, parce que j'ai un petit mal à la gorge ou parce que j'ai une petite toux rebelle, non. Et sans compter que les antibiotiques, ça fait aussi des dégâts immédiats pour notre corps. Ils tuent aussi une partie de bonnes bactéries qui se trouvent dans notre intestin. Bon alors, il ne faut pas non plus être extrémiste. Dans certains cas, les antibiotiques, c'est tout de même utile. Oui, évidemment. C'est vital même parfois. Alina, 2 mois, est récemment tombée malade d'une bronchiolite sévère. Les antibiotiques ont été indispensables pour la soigner, explique sa maman. Elle a été hospitalisée quelques jours. On nous l'a fait sortir avec des médicaments. Et là maintenant, elle va bien, j'espère. Oh oui, elle tousse un tout petit peu, mais bon, comme vous voyez, elle fait des petits clins d'œil. Elle est de bonne humeur. Voilà, donc en conclusion, Manu, prendre trop d'antibiotiques, c'est mauvais, mais refuser tout traitement, c'est aberrant. Tout est une question donc d'équilibre. Merci Simon. Simon Gérard, chaque année, 19 000 personnes sont victimes d'un AVC. Ce qui va suivre pourra intéresser ces personnes et leurs proches. À l'hôpital de Montgaudine, on vient d'installer pour la première fois sur un patient victime d'un AVC un implant qui stimule les muscles paralysés du pied. C'est ce qu'on appelle le pied tombant. Pour le patient et pour toute l'équipe médicale, c'est un succès. Seul bémol, son prix. Monica Wachter. Guy Martin a eu un AVC quand il avait 20 ans. Quand je me suis réveillé, j'ai plus bougé le côté droit du tout. Il récupère doucement, sauf son pied. Ce que j'avais comme problème, c'est que mon pied tombait. Il pendait, il voulait plus bouger, donc plus se relever. Il réapprend à marcher, coussi-coussa, avec une attelle qui lui bloque le pied. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, il revit. Donc c'est le paradis, parce que j'ai retrouvé de nouvelles sensations, puisque maintenant je marche comme il faut. C'est une nouvelle vie qui a commencé. Il est super heureux grâce à son implant stimulateur. Professeur Thierry Deltombe, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Il est novateur, c'est le futur, c'est pour ça que c'est une première. Et il a la capacité de stimuler le muscle qui doit relever le pied, ce que le patient n'est pas capable de faire au cours de la marche, et avec une électrode implantée, de sorte que le patient n'a aucun appareillage ou rien de visible sur la peau. Donc c'est un système qui est invisible, qui fonctionne, on va dire, de l'intérieur. Mille Werk est responsable kinésithérapeute. Elle continue à travailler avec Guy. Et donc on essaye qu'il puisse intégrer vraiment ce système, mais dans la vie de tous les jours, sur sol instable, dans du sable, sur des graviers, dans les cailloux, sans que le pied ne tourne ni ne se tende. Reste le prix 20 000 euros, offert pour cette première Belge par la société qui l'a développée. Elle va entamer maintenant la procédure pour que cet implant soit remboursé un jour, espère-t-elle, par l'INAMI. Les agriculteurs vont pouvoir continuer à souffler de temps en temps. La région Wallonne a reconduit le service de remplacements agricoles. C'est un service qui permet aux fermiers d'être remplacés en cas de coup dur, une hospitalisation, un événement familial, une formation même. Le service existe depuis 1977. 4700 agriculteurs adhèrent à ce projet. Ils payent 200 euros par an et en échange, ils peuvent puiser dans un pot de 75 agents de remplacement. La région Wallonne continuera à financer le projet pendant au moins 3 ans. Travailler à la maison, c'est de plus en plus courant. L'an dernier, près de 600 000 Belges ont travaillé chez eux, en tout cas en partie. Ce sont des chiffres en augmentation partout en Belgique. C'est à Bruxelles et dans le secteur public que l'augmentation est la plus forte. Alors pour que ça marche, le télétravail, il faut surtout de la confiance. Avec nous, Sébastien Zac, vous travaillez pour une compagnie d'assurance. Alors chez vous, comment ça se passe le télétravail ? Ça marche comme ceci, tous les mercredis, donc je reste à la maison. Donc la date, le jour, c'est le jour que j'ai proposé à mon employeur, qu'il a accepté. Il faut que ça corresponde donc aux besoins de l'équipe, aux besoins du service. Est-ce que votre supérieur hiérarchique vérifie que vous êtes vraiment en télétravail ? Est-ce qu'il vous appelle dès le matin ? Est-ce qu'il vous envoie un mail ou est-ce qu'il vous envoie un SMS pour vérifier que vous êtes bien opérationnel ? Je dirais que ça se fait dans une confiance, dans une certaine confiance. Donc en fait, non, je n'ai pas l'impression d'être surveillé. Évidemment, il y a des connexions informatiques maintenant. Donc il y a des moyens qui permettraient à l'employeur de vérifier si on est connecté. En l'état, bon, j'ai l'impression de ne pas être surveillé. Mais bon, c'est du donnant-donnant. J'ai l'impression effectivement de bénéficier d'une confiance que je rends à mon tour en travaillant au moins autant, si pas plus, que pendant une journée de prestation normale, je dirais. Oui, donc demain, par exemple, vous êtes en télétravail, vous n'allez pas passer l'après-midi dans la piscine avec les enfants, vous allez travailler, à moins que ce ne soit possible si vous travaillez plus tard en soirée. Non, là, on est tenu à respecter une disponibilité, parce que bien évidemment, même si on travaille à domicile, on doit rester disponible pour les collègues, pour les clients. Donc, il est logique, normal que nous donnions la même disponibilité qu'un collègue qui, lui, travaillerait en compagnie. Mais bien évidemment, quand je prends mon heure de table, eh bien, plutôt que de prendre mon heure de table à la cafétéria, eh bien, je la prends chez moi ou même en allant me promener, en allant chercher les enfants à l'école. Maintenant, outre cela, j'offre la même disponibilité qui est fixée par ailleurs que lorsque je suis sur mon lieu de travail. Et donc l'avantage finalement, c'est de ne pas faire la route et c'est de travailler dans un autre cadre une fois par semaine. Alors, pas faire la route, c'est un vrai confort, effectivement, comparativement à la contrainte que ça représente en temps habituel. Vous venez de la région route de Mons et vous allez vers Bruxelles tous les jours. Exactement. Donc, en temps cumulé, je dirais que le trajet représente quelque chose comme 2h30 par jour. Donc, c'est 2h30 d'économiser d'une manière très sûre, certaine. Ces 2h30, personnellement, je ne les investis pas complètement dans ma vie privée. J'investis un peu plus aussi dans mon boulot, en fait. Et ça me permet, en quelque sorte, d'être moins stressé aussi pour les autres jours de la semaine. Et donc, c'est du donnant-donnant. L'employeur, il s'y retrouve au final. Je le suppose. C'est l'impression qu'on en a. C'est l'impression que l'employeur nous donne. Et moi, c'est mon sentiment, en tout cas. Merci, Sébastien Zach. Et bonne journée de télétravail demain, donc. Une bagarre, un mort, 15 blessés, ça s'est passé à Calais, en France. Des migrants qui voulaient rejoindre l'Angleterre en sont venus aux mains. Ça s'est passé cette nuit entre ce qu'on appelle la jungle, le camp de réfugiés, et l'autoroute A16 qu'ils empruntent pour rejoindre le port. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, ce n'est pas la première fois que des bandes de migrants se bagarrent la nuit au moment d'arrêter les camions et de tenter de monter à bord des poids lourds pour traverser la Manche. Notez qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans ce camp de fortune. Ils sont entre 7 et 9 000 en ce moment. Le secteur du tourisme à Paris a le moral dans les chaussettes. Les hôteliers, les barman, les guides, les agents d'accueil dans les musées ont perdu 750 millions d'euros au cours des 6 premiers mois de l'année. 1 million de touristes n'a pas fait le déplacement cette année. Et Evelyne Mas, la directrice d'hôtel dans le 15e arrondissement, le constate. L'euro du mois de juillet, l'euro de foot, n'a rien changé. On savait que Paris intramuros, l'euro n'allait pas nous amener suffisamment de clients pour compenser les clients touristes qui viennent d'habitude et qui n'avaient pas envie d'être gênés par la fan zone, par le nombre de militaires. Donc on savait, parce que ça s'est déjà produit lors du mondial de 98 de foot, qu'on aurait une désaffection au niveau tourisme des touristes qui viennent normalement. À ça s'est rajouté toute la série d'attentats qu'il y a eu, les grèves avions, les grèves SNCF, les grèves des boueurs. Après, il y a eu les inondations qui ont été énormément médiatisées à l'étranger. 100 km de Paris, c'était Paris, puisque aussi on a dit que le niveau de la Seine était horriblement haut. J'ai des contacts au Canada où ils nous ont demandé si on n'était pas évacués. Evelyne Mas, directrice d'hôtel dans le 15e arrondissement, est présidente de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière avec nos collègues de Radio France. Le secteur est aux abois et demande aux autorités de mettre les moyens pour endiguer le phénomène. Des centaines d'emplois seraient menacés. En Espagne, en revanche, le tourisme se porte plutôt bien, mais le pays est confronté à un phénomène inquiétant, le balconing. C'est le fait de jeunes touristes britanniques. Le plus souvent, ils sont ivres morts ou pire, drogués. Et le mieux qu'ils trouvent à faire à ce moment-là, c'est de se jeter dans les piscines au départ des balcons de leur résidence. Le balconing a déjà fait plusieurs morts ces dernières années. Le phénomène a pris tellement d'ampleur dans l'archipel espagnol des Baléares que des médecins d'un hôpital universitaire y ont consacré une étude. De 2010 à 2015, le balconing a fait 46 blessés, essentiellement des Britanniques, mais aussi quelques Allemands et quelques Espagnols. À une exception près, tous étaient des hommes. même, les médias espagnols évoquent de leur côté une dizaine de décès sur la même période. C'était la première Manon des Sources. Oui, avant Claude Berry et Emmanuel Béart, Jacqueline Pagnol, alias André Bouvier, elle est décédée à l'âge de 95 ans. L'épouse du cinéaste et écrivain Marcel Pagnol a incarné Manon des Sources en 1952. Elle a même, paraît-il, inspiré son auteur, Marcel Pagnol. L'actrice a aussi tourné sous la direction de son époux dans Topaz, par exemple. Elle a joué pour Henri Verneuil dans Carnaval, pour Jean Boyer dans La Terreur des Dames. Elle sera inhumée à Marseille, aux côtés de son mari décédé dans les années 70. Merci Manu pour ce journal. On parlait de télétravail il y a un instant. Vous pensez que les gens au télétravail aujourd'hui ont vraiment travaillé avec la météo qu'ils faisaient ? Moi, je pense que ça va être difficile, mais vous venez de l'entendre. Hein, la personne qu'on a contactée n'ira pas à la piscine demain après-midi. Enfin, en tout cas, elle le dit. Il y a des choses que vous faites, vous, quand il fait chaud, que vous ne faites pas d'habitude ? Bon, ce qui est le plus gai, c'est de sortir là, sur la petite terrasse de mon jardin de ville. Ça fait plaisir. Quand c'est même. La terrasse qui est sans vie le reste de l'année. Quand il fait beau, vous allez dessus. Bien sûr. Quelle est l'activité ? Quelle est la chose que vous faites quand il fait beau, quand il fait comme aujourd'hui, que vous ne faites pas d'habitude? 3063 par SMS pour me le dire, c'est 50 centimes le message, ou alors sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. On va faire un point RTBF mobile info tout de suite avec David Godefroy, lui beau ou pas, et il est là pour nous tenir au courant de ce qui se passe sur les routes, David. Oui, effectivement, et cet accident à vous signaler dans l'échangeur de Woluwe Saint-Etienne, la bande de droite est neutralisée, il y a des fils en amont, donc de la bretelle reliant le 40 venant de Liège au ring de Bruxelles vers Grand Bigard. Coup d'œil sur les temps de parcours sur ce ring de Bruxelles, circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, comptez une vingtaine de minutes en plus. 20 minutes perdues aussi en circulation extérieure au Grand Bigard au titre. 20 minutes à ajouter à votre trajet également en circulation intérieure de Zaventem au Carrefour Léonard. Et maximum 10 minutes de retard sur les autres tronçons. Et puis dans Bruxelles, ça coince du tunnel Roger au tunnel Léopold II vers la Basilique et dans l'autre sens du tunnel Botanique au tunnel Arlois vers le midi. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Il fait combien chez vous ce soir ? 18, enfin 18 non, on est plus, 28, 29, 30, 31 degrés peut-être. Dites-vous que ce n'est que le début, première journée de cette vague de chaleur. Et si vous avez trouvé que la journée était difficile, bien accrochez-vous puisque jeudi, on connaîtra un pic de chaleur. Puis préparez-vous aussi pour cette nuit. Elle risque de ne pas être la plus simple cette nuit avec les températures élevées. On va d'ailleurs y revenir dans un instant. Je vous parlerai aussi ce soir d'un magazine américain qui a publié le top 20 des villes les plus accueillantes au monde. Et dans ce top 20, il y a une ville belge. Alors, une seule, mais je vous dis laquelle tout à l'heure dans le 5 à 7. On parlera des abeilles aussi. Alors, en ce moment, quand il fait beau comme ça, on pense aux abeilles qui sont autour de chez nous. Ces abeilles, elles butinent, elles nous font du miel ensuite. On aime bien mettre ça peut-être sur la tartine, dans le thé. Et bien, attention, parce que si ça continue, on va plus en avoir. En France comme en Belgique, le secteur apicole parle de plus de 50% de baisse des récoltes cette année. On va voir ce qui se passe tout à l'heure dans le 5 à 7, c'est promis. On partira aux États-Unis, on va voyager ce soir. Vous savez qu'il y a l'élection présidentielle américaine qui se prépare. Il y a deux candidats que tout le monde connaît. Et puis un troisième qui s'est ajouté, Alice Cooper. Plutôt original comme candidature, on en reparlera tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. On reviendra sur une histoire aussi, ça s'est passé dans un petit magasin aux États-Unis. Il y a une femme qui n'est pas en grande forme. Et il y a un des vendeurs du magasin qui s'approche de cette femme et qui commence à discuter avec elle et qui lui paie même ses courses ce jour-là, 17$. La somme n'est pas folle. Le lendemain, il a reçu un pourboire de la fille de cette femme. Je vous donne le montant tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Tout ça et plein d'autres choses, c'est le 5 à 7 qui démarre maintenant. Soyez les bienvenus sur Vivacité. C'est la rentrée sportive à Mediacité. Tu as entre 4 et 11 ans ? Alors, participe aux initiations sportives proposées par l'Académie Provinciale des Sports. Ce samedi 27 août, à Mediacité Liège. Avec la présence des joueurs de Liège Basket et la collaboration du service des sports de la province de Liège. Toutes les infos sur mediacité.be. Spirelet Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirelet Automobile. Le meilleur service au meilleur prix. À Liège, Trois-Ponts et Verviers. Dès le Beta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Beaudonnier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18 h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Génial, le parc du Montmauzan. Les spectacles d'otari, de perroquets, le mini-zoo, les attractions, le mini-golf, la plaine de jeux. Mes parents aussi ont adoré. D'ailleurs, ils m'ont promis qu'on y retournerait. Une journée est toujours inoubliable au Montmauzan, pleine de la Sarthe à Huy. Surfez sur montmauzan.be. Parc le Montmauzan, une montagne d'amusement. Donc vous voulez qu'on installe un tapis roulant sur la digue? Voilà, c'est ça. De la panne à knock. Exactement. Eh ben ça roule. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 50 garanties offertes. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vivacité présente les Showcases Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hello, c'est Balloons. Je vous invite à me retrouver ce samedi 27 août à Mété lors du Beau Vélo de Ravel. Je suis heureux de partager la scène avec Suarez et le duo Fanfan. Ensemble, on va vous en mettre plein les oreilles. Rendez-vous en pleine forme ce samedi. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 27 août à Mété. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Vivacité. Il fait chaud. Allez, tous ensemble. Il fait chaud. Je suis chaud aujourd'hui et c'est pas fini. Alors pour une fois, on va pas s'en plaindre, c'est vrai, quelques jours de beau temps d'affilée, c'est la première fois que ça arrive cet été. Jeudi, pic de chaleur, mais alors qui dit chaleur dit journée où on va passer, peut-être passer un petit peu de temps en terrasse plus que d'habitude. On fait un point d'ailleurs sur ce que vous faites plus quand il fait chaud, ce que vous faites quand il fait chaud alors que vous ne le faites pas d'habitude, 3063 par SMS. Mais il y a un problème aussi avec cette chaleur, c'est la nuit. Est-ce que vous arrivez à bien dormir? Pour beaucoup de gens, la chaleur c'est un problème. Alors justement, on a pensé à vous ce soir dans le cassette. On se dit demain, on veut vous avoir en forme sur Vivacité. Il faut être là dès le matin pour écouter toute l'actualité de votre région, toute l'actualité aussi avec toute la rédaction qui se lève tôt. Bah vous vous levez avec eux, il faut que vous ayez bien dormi pour ça et puis pour aller travailler, c'est plutôt pratique. Docteur Benny Mwenge, vous êtes spécialiste du sommeil à Saint-Luc à Bruxelles. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être dans le 5 à 7 ce soir. Alors, merci à vous. On va prendre peut-être un petit apéro, on va éventuellement faire un barbecue ce soir et après on va aller dormir et quand il fait chaud on a tendance à pas arriver à bien dormir, à se retourner régulièrement, à se réveiller souvent pendant la nuit. Docteur, sauvez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien dormir cette nuit? Alors, il est important de savoir que pour s'endormir, on doit perdre de la chaleur, c'est-à-dire qu'on doit trouver des moyens de se refroidir. Ouais. On perd environ 1 degré de température corporelle lorsqu'on s'endort, donc chacun a un petit peu ses trucs. Certains vont avoir tendance à bien aérer leur chambre, essayer de l'aérer dès le matin, fermer durant la journée les tentures. Oui, ça c'est important. Hein. Voilà. Lorsqu'on n'arrive pas à se réchauffer par des méthodes d'aération, on peut aussi, alors attention, prendre un bain, mais un bain froid. Essayez vraiment que la température de l'eau soit supérieure à la température de notre corps. On doit avoir bien froid pour aider la perte de la chaleur. Et avec tous ces petits trucs, on devrait y arriver. Maintenant, attention, il faut savoir que certaines personnes ont une sensibilité plus importante à la chaleur. De manière générale, les personnes âgées, les femmes ménopausées, et d'autres ne l'ont pas. Donc avec des mesures très simples, on peut très souvent y arriver. Donc le côté bain, on ne va pas avec, avec un tuyau d'arrosage, on se rafraîchit pas comme ça, ça va pas servir. Non, ça c'est pas très pratique. Ça, c'est pas le bien. Mieux, c'est ça, vraiment c'est d'essayer de refroidir l'ensemble de son corps et vraiment de faire chuter la température, comme quand on a de la fièvre par exemple. Hein. Est-ce que le fait d'aller dormir plus tard peut peut-être nous aider à mieux dormir? Je pense au fait que ça se rafraîchit justement à l'extérieur à ce moment-là. Ça va peut-être nous Exactement, aider à baisser ce la température. Il faut en profiter. Tout à fait. Tout D'accord. À fait. Donc on veille, peut, c'est l'occasion de veiller. Il y a d'ailleurs un décalage naturel qui se fait d'une part par la lumière et d'autre part par la chaleur. Est-ce que c'est un bonsoir pour se rapprocher de monsieur ou madame? Ou alors ça on évite parce que justement ça fait monter la température. Ça on met sur le côté pour ce soir ou pas? Ah bah écoutez, ça dépend si vous êtes équipé d'un ventilateur efficace ou pas. D'accord, donc on peut, mais si on a le ventilo. Bah, ah ben bah voilà, merci. Avec le ventilo, il n'y a pas de contre-indication. Merci pour ces explications, docteur Benny Mwenge, je vous souhaite une excellente soirée. Et bonne nuit merci déjà alors. Oui, à bientôt. Il est 17h24. 5 à 7. Si vous n'aimez pas les Pokémon, cette musique, vous ne pouvez plus l'entendre, ça c'est sûr. On vous parle régulièrement de l'application Pokémon Go dans l'émission, c'est la folie. De plus en plus de téléchargements, de plus en plus de joueurs. Ça va peut-être se calmer d'ici une bonne semaine avec la rentrée scolaire. En attendant, énormément d'ados sont dans les rues pour chasser les fameux Pokémon. Et alors, ils ne font pas que chasser les Pokémon, ces ados. Je vous propose d'écouter un fan de l'application qui a décidé de chanter une chanson, voilà, d'écrire une chanson pour les Pokémon et pour l'application Pokémon Go spécifiquement. Depuis qu'il l'a postée sur les réseaux sociaux, c'est le buzz, c'est la folie, c'est peut-être un nouvel artiste, écoutez. Dans la tête cette chanson, Dominique, vous trouvez pas? C'est pas mal. I play Pokémon. J'aime bien la tête du petit garçon qui chante, il a une tête de Pokémon, je trouve. Je sais pas comment on peut prendre le fait d'avoir une tête de Pokémon. C'est un compliment ou pas? Non, ouais, vous avez sa tête, il a quand même une tête un peu. Ah ben, voilà, si vous voulez, il a une tête de Pokémon. On va vous mettre la sympathique Pokémon, mais quand même. On va vous mettre le clip sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Il s'appelle Misha, celui qui a fait cette chanson. Alors il est tout jeune, hein. Il est tchèque, je crois. Ouais, il est sympa. Voilà, moi je trouve que il a une chouette idée de faire cette petite musique qui reste dans la tête. Et comme j'aime bien pourrir la journée des gens, encore, c'est reparti. Réécoutons I Play Pokémon Go. Attention, Dominique, vous chantez avec. Vous êtes prête? 3 4, on y va. I play Pokémon Go. I play Pokémon Go. Manu, avec nous. Si je chante, il va pleuvoir, les gars. Donc... Ah bah ça nous rafraîchira. Le docteur l'a dit, il faut se rafraîchir pour pouvoir bien dormir. Je vous mets la vidéo tout de suite sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF. Vous verrez le clip de ce petit garçon qui chante. À propos de Pokémon, une autre news, Dominique. Et ça se mange cette fois-ci. Nous avons au menu ce soir les Pokéburgers. C'est pas vrai. Et oui, chaque jour une info Pokémon. Et donc cette fois-ci, c'est un restaurant australien qui a décidé de surfer sur cette tendance Pokémon, Pokémon Go, en proposant à ses clients des burgers en forme de Pokémon. En fait, il fallait simplement y penser. C'est l'enseigne Down and Out à Sydney. Donc, vous avez les hamburgers spéciaux Pokémon, jaune, orange, vert, en fonction des petits personnages qu'ils représentent. Burger en forme de Pikachu, Bulbizarre ou encore Salamèche. Attention, vous ne pouvez pas choisir votre burger, vous le recevez au hasard. C'est ce qui fait un petit peu partie du jeu aussi. Et concernant les goûts, des Pokéburgers, me direz-vous, eh bien, c'est en fonction un petit peu des personnages et du style, du caractère du Pokémon. Par exemple, le Salamèche, c'est épicé avec du fromage. Le Bulbizarre, c'est un peu plus léger avec de la salade. Et le Pikachu, c'est le plus loufoque, paraît-il, avec des frites dedans. D'accord, bah ceux-là au moins on les attrape vraiment, c'est pas du virtuel, on les met vraiment à l'intérieur vous de soi. Vous les mangez tous quoi. C'est pas dans le Pokédex, c'est dans le ventre directement. Merci, alors même si c'est en Australie, merci pour l'info, on peut éventuellement partir. Dans un instant, dans la suite du 5 à 7, on va parler de sport et puis je vous dirai quelle est la ville belge qui se trouve dans le top 20 d'un magazine américain qui a classé les villes les plus accueillantes au monde. On n'a qu'une seule ville dedans, on en est fiers, je vous dis laquelle dans un instant. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mettez pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Faustaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Ce dimanche, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter ETIAS survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous revenez de la mer ou des frontières luxembourgeoises et françaises, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter ETIAS et RTBF Mobile Info veillent sur votre retour de vacances. ETIAS est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350 ans. Avec la une. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016. Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le Monde Sauvage des Wai et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Et déjà la nostalgie ce mercredi dans le 8-9. Pas la nostalgie des vacances, la nostalgie des années 80. Caroline Loeb viendra nous raconter ses années de A à Z. De la musique à Dallas, en passant par ses rencontres avec Madonna ou la croisière s'amuse. Et vous, vous aviez quel âge en 1987? Répondez pas maintenant, répondez ce mercredi dans le 8-9 sur la Une Télé et sur Viva. Le 8-9, avec Benjamin Maréchal. Vous aimez nos émissions? Vous voulez être le premier à savoir ce dont on parlera aujourd'hui? Vous avez envie de partager vos idées? Ou de retrouver des infos données à l'antenne? De tout connaître des coulisses de la radio? Bref, vous aimez Vivacité? Cliquez-le, nous sommes sur Facebook. Tapez Vivacité et cliquez sur J'aime. Vous pensiez qu'il s'était envolé? On est là! Sébastien Nolveau et toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons sont de retour. De 11h à 13h, la chasse aux arnaques est ouverte sur Vivacité. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Vivacité. 17h30, voici les titres de l'actualité. C'est avec Manu Delporte. Les antibiotiques utiles, mais trop fréquemment prescrits chez les enfants. Un nourrisson sur deux a déjà pris des antibiotiques avant 2 ans. Et ce n'est sans doute pas nécessaire vu le taux de vaccination chez nous. Les pédiatres regrettent cette surmédication chez les plus jeunes. Les parents sont peut-être parfois un peu responsables. Ils ne veulent plus courir aucun risque et surtout ils ne veulent plus laisser le temps à la maladie de se guérir d'elle-même. 22 tonnes de cocaïne saisies par la douane depuis janvier 2016 sera sans doute une année record. Pic de saisie en juin, juillet et août. On verra à 18h comment s'est passé un contrôle anti-drogue justement à Louvain-la-Neuve. Il n'est pas question là ici que de cocaïne mais de toutes les drogues qu'on retrouve aujourd'hui en Belgique. On reviendra aussi sur cette possibilité maintenue pour les agriculteurs wallons. Ils pourront continuer à faire appel au service de remplacements agricoles. Le service en partie financé par la région wallonne est reconduit pour 3 ans. Imagine une drogue, Manu, si vous voulez me faire passer le contrôle antitest. Enfin, laquelle? Anti-drogue. J'ai une drogue quand il fait chaud comme ça. Non, alors c'est aussi une chanson, mais c'est Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, quand il fait comme aujourd'hui, c'est la folie. J'en ai besoin pour que la journée se passe bien. Lequel? Celui-là. Il fait chaud. Allez, tous ensemble. Il fait chaud. Drogue sans danger, je crois, ça va. Oh, je sais pas, abus de Patrick Sébastien, ça doit pas être bon pour la santé. Merci Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. La météo tout de suite avec Dominique. Est-ce qu'il va continuer à faire chaud? Est-ce que je vais encore pouvoir écouter du Patrick Sébastien? Ah bah, vous pourrez traîner sur la terrasse ce soir et écouter Patrick Sébastien jusqu'à ce que vos voisins s'énervent, n'est-ce pas? Ils vont être ravis. Parce qu'il fera 16 à 18 degrés. Et puis demain, il va faire chaud, encore plus chaud même qu'aujourd'hui. Les maxima atteindront 27 à 32 degrés. C'est jeudi qui sera sans doute la journée la plus chaude de la semaine avec encore 2 degrés de plus. Ce temps estival va se poursuivre jusqu'à minimum vendredi avec 26 à 30 degrés encore. Ah, ça c'est chouette. Merci Dominique. On part sur les routes tout de suite. Est-ce que les nouvelles sont aussi chouettes? David Godefroy, c'est le RTBF Mobile Info. On n'a pas David Godefroy. David Godefroy qui est parti boire un petit coup. Alors je vous demande par SMS de me dire au 3063 ce que vous faites d'habitude, que vous ne faites pas quand il fait pas beau, quand il fait chaud, est-ce que vous avez des habitudes différentes? Et ben voilà, par exemple David Godefroy, il va prendre un petit verre en terrasse au lieu de faire le RTBF Mobile Info. C'est le genre de choses qui arrivent. On va retrouver David Godefroy dans un petit instant, le temps que ça fonctionne, puisque David Godefroy est au centre Perex. On y retourne dans quelques minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Vous savez que les Américains sont nombreux, et comme ils sont nombreux, il y en a qui n'ont pas trop de choses à faire, et ils se sont intéressés à un classement, ils ont réalisé un classement, celui des villes les plus accueillantes au monde. Alors, est-ce que c'est super utile? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est dans ce classement. Il n'y a que 20 villes dans le monde entier qui sont dedans, il y en a une qui est belge. Je vous dis quelle est la ville belge reprise dans ce classement dans quelques minutes sur Vivacité. Je vous parlerai aussi d'un gars qui travaille à Dallas, il travaille dans un supermarché, et il a vu une dame qui n'était pas en très grande forme, elle semblait un petit peu déprimée, il est arrivé près d'elle et il lui a proposé simplement de discuter avec elle, de faire un petit point sur sa journée et savoir pourquoi elle n'allait pas super bien, et il lui a payé ses courses. Le lendemain, ce vendeur dans le magasin a reçu un super cadeau, un pourboire comme jamais il en a eu probablement dans sa vie. Je vous en reparle aussi avant 18h sur Vivacité. On prendra des nouvelles de Jérôme de Warzé. Vous savez que hier c'était la panique ici chez Vivacité. Benjamin Maréchal et toute l'équipe cherchaient des nouvelles, cherchaient à avoir un contact avec Jérôme de Warzé qui avait raté la rentrée hier soir à la même heure. On a essayé de l'appeler, pas moyen d'avoir de ses nouvelles. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être pas entendu ce matin si vous n'étiez pas là, Jérôme de Warzé a donné de ses nouvelles. Il n'était pas là, mais il a donné de ses nouvelles. On est déjà rassuré. Ce sera à réécouter dans quelques minutes sur Vivacité. Puis j'ai des cadeaux aussi pour vous. Vous allez pouvoir gagner vos accès à un super spectacle à l'abbaye de Val-Dieu. Ce sera le 28 août, le spectacle, à 22h30. Et je vous offre à cette occasion vos places en VIP. Vous serez quand même super bien accueillis par toute l'équipe là-bas sur place pour vous faire vivre ce spectacle avec des grands moments de l'histoire du Val-Dieu qui sont à revivre avec du vidéo mapping, avec du son exceptionnel. Tout ça, c'est pour vous. Pour vous inscrire, vous envoyez VIP au 6003. Bonne chance. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très wow. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016. Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le Monde Sauvage des Wai et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? L'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir et Vivacité. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... Vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Hier, c'était la rentrée sur Vivacité, mais il y a un événement qui arrive, c'est jeudi. Jeudi, Vivacité invite les journalistes à découvrir tout ce qui va se passer cette année sur Vivacité, mais vous invite vous aussi. Vous prenez la place des journalistes et vous venez poser des questions à toute l'équipe. Alors, comment ça va se passer? Tout ça, c'est en restant chez vous, tout simplement, parce que faire venir tout le monde, c'est peut-être compliqué quand même, mais tout le monde peut y assister. Alors, ce sera un live Facebook, c'est-à-dire que en vidéo, en direct, vous pourrez commenter, poser vos questions à toute l'équipe qui sera connectée ce jeudi à 12h30 précise. Soyez là, et puis... on vous dira même qui rentrera dans le cube de Via 4 Live cette année. Donc rendez-vous sur la page Facebook Vivacité RTBF ce jeudi à 12h30. 5 à 7. Jérôme Elgar, c'est avec nous ce soir pour parler de sport, comme tous les soirs. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Et alors ce soir, vous allez nous parler d'espionnage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh oui, Cyril, car même en sport, il y aurait apparemment de l'espionnage. Certains scénarios à la James Bond, on sait que la pratique de l'espionnage est courante dans le monde des affaires. Ouais. Le fameux espionnage industriel, très pratiqué dans l'industrie pharmaceutique ou automobile. Eh bien, apparemment, le sport est également touché. C'est en tout cas ce qu'affirment les All Blacks, l'équipe de rugby néo-zélandaise. Les All Blacks ont débuté le week-end passé le Rugby Championship. C'est un peu le tournoi destination de l'hémisphère sud. Quatre équipes s'affrontent, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. C'est une compétition très relevée. Samedi, les Néo-Zélandais jouaient donc contre l'Australie en Australie. Mmh. Et avant le match, dans la salle de réunion de leur hôtel de Sydney, ils ont découvert quoi ? Une James Bond girl. C'est mieux pour eux, je pense. Mais non, un micro. Non. Il faut savoir qu'en rugby, dans la préparation des matchs, les séances tactiques vidéo sont très importantes. Et là, visiblement, il y avait un micro qui ne devait pas être là. Mais alors, un micro dans une salle de réunion, je prends l'exemple ici, il y a souvent des conférences avec les rédactions. Il y a des micros, donc est-ce que c'est d'office de l'espionnage ou c'était un micro qui traînait comme ça ? Eh bien ça, Cyril, c'est the question, comme disent les anglophones. Il faut savoir que les All Blacks ont une certaine obsession par rapport à l'espionnage, ça vire parfois même à la paranoïa. C'est pas la première fois qu'ils accusent leurs adversaires. Déjà l'an dernier, lors de la Coupe du Monde de rugby, les Néo-Zélandais étaient persuadés d'être victimes d'espionnage. Sauf qu'ici, cette fois, il y a un semblant de preuve avec ce micro. Mais attention, il faut encore faire le lien entre l'appareil d'écoute découvert et l'équipe australienne de rugby. Ouais. Autre petite cocasserie, le sélectionneur des All Blacks s'appelle Steve Hansen. Et Steve Hansen, c'est un ancien policier. Alors vous pensez bien que toutes ces histoires doivent évidemment le passionner. Ouais, résultat, quand l'équipe de Nouvelle-Zélande débarque dans des hôtels, et bien maintenant, elle a pris l'habitude de vérifier les chambres pour rechercher des micros. Ils sont peut-être un peu parano. Et comment les Australiens répondent à ces accusations alors ? Par le sourire et un peu de moquerie. Évidemment, les journalistes australiens accusent leurs meilleurs ennemis néo-zélandais de paranoïa. Et il y a quelques années, après d'autres accusations d'espionnage, les joueurs australiens s'étaient présentés sur le terrain face aux Néo-Zélandais avec des tenues de camouflage. Un coach australien avait même enfilé un t-shirt avec l'inscription « La paranoïa peut être soignée ». Ici, l'équipe australienne nie une quelconque responsabilité dans cette affaire de micro. Mais c'est vrai que ça pourrait donner envie d'aller espionner ces All Blacks tant ils dominent le rugby mondial. Ils sont de loin les plus forts depuis de nombreuses années. On aimerait connaître un peu le secret de leur réussite. En tout cas, micro ou pas, l'Australie n'a pas fait le poids contre la Nouvelle-Zélande. Finalement, le match s'est terminé par un 42-8 en faveur de la Nouvelle-Zélande. Donc, s'il y avait vraiment eu de l'espionnage, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça a pas servi, ouais. Mais vous croyez qu'ils peuvent se dire quoi de si génial ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un micro dans les vestiaires et juste les gars qui se disent « Montre un peu toi !» Oula. Mais ici, c'était dans la salle de réunion de l'hôtel où on fait toutes les séances vidéo. Il faut savoir qu'en rugby, les séances vidéo, c'est vraiment important. On analyse l'adversaire, on essaye de chercher les failles et on prépare aussi ses attaques. Donc, on passe beaucoup de temps. On peut prendre de l'avance sur la tactique de l'autre. Voilà. Dans ce cas-là. On passe beaucoup de temps à tout préparer en vidéo. Ben, si les Australiens ont mis un petit micro, ils ont tout entendu. Mais bon, ils ont quand même été battus 42-8. Ouais. Ils n'ont pas compris. Ils parlent peut-être pas la même langue. C'est peut-être ça. Merci. Pourtant, ils parlent la même langue. Ouais, il y a peut-être des expressions qu'ils comprennent pas. Merci, Jérôme. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal des sports. Vous écoutez Vivacité, il est 17h42. C'est beau une petite musique comme ça. On tamiserait bien l'ambiance, petite bougie, petit resto, mais attention, pas le resto n'importe où. Dans la ville belge qui apparaît dans un classement d'un magazine américain qui classe les 20 villes les plus accueillantes au monde. Alors petit indice, cette musique, c'est une ville plutôt romantique. Et donc, il y a une ville belge qui est dans ce classement, qui est à la 9e place, et c'est la ville de Bruges. On va en parler avec le bourgmestre de Bruges, Renat Lendeuit, qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être dans le 5 à 7 ce soir. C'est une bonne nouvelle, vous êtes heureux d'être dans ce classement? On est heureux parce que tous les habitants de Bruges sont des gens très heureux. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que Bruges est la seule ville, parce qu'on a quand même des villes touristiques en Belgique, Bruges est la seule ville qui est dans le classement des villes les plus accueillantes? Oui, je pense qu'il y a au moins trois raisons. Premièrement, tous les habitants de Bruges sont des gens très très sympas. Mais deuxièmement, plus sérieux alors, c'est qu'il y a quand même une sorte de stratégie qu'on suit. Dans ce sens qu'on fait tout, si on est une ville très touristique, mais tous les investissements, tout ce qu'on organise, on l'organise pour les habitants, sachant que les habitants heureux sont les habitants les plus sympas pour les visiteurs. Ah bah ouais. L'autre côté, Et de l'autre côté, on a une sorte de système. Dès qu'il y a une plainte d'un visiteur, on fait un suivi. On cherche le problème, on contacte le café, le restaurant, l'hôtel où il y a un problème, on le contacte par la ville, il y a un contact, et on fait en sorte qu'il y a une réaction. Tout le monde s'inquiète, tous les gens qui travaillent dans le tourisme, la première chose qu'ils adaptent, c'est d'être sympa, d'être gentil envers les gens. On fait des petits cours pour nos guides et même pour les chauffeurs de taxi. Ah oui ? Et c'est-à-dire quoi ? Vous apprenez aux chauffeurs de taxi à être sympa, à être accueillant, à vraiment bien accompagner les touristes ? Oui, parce que pour leur permis, c'est obligatoire parce qu'on doit être sûr que les organisations qui font le taxi sont des organisations qui investissent dans l'attitude du chauffeur. Bah c'est génial ça. Pourquoi est-ce que les autres villes ne vous suivent pas ? Vous êtes les seuls en Belgique à faire comme ça ou vous savez si d'autres villes agissent de la même manière ? Oui, je pense qu'on a des contacts avec les autres villes, avec Anvers, avec Gand et tout ça, mais en tout cas, nous, en ce qui concerne le tourisme, je pense qu'on est le plus expérimenté, les gens avec plus de l'expérience, plus c'est le tourisme. Vous allez faire une petite fête alors pour ce classement ? Non, parce qu'on a un petit peu l'habitude des classements comme celui-ci, parce qu'internationalement, on est connu. C'est seulement à Bruxelles qu'on oblige toujours plus. Même pas une petite boîte de chocolat ? On en a l'habitude chaque journée. On commence notre jour avec un petit chocolat. Vous avez bien raison. Ça doit être agréable quand même de vivre là-bas. Et c'est, donc vous disiez à Bruxelles, on oublie que Bruges existe. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas assez de touristes wallons et bruxellois qui viennent dans votre commune ? Il y a quand même beaucoup de wallons qui passent Bruges pour la côte et oublient de s'arrêter à Bruges. Donc, ils sont vraiment invités de venir aussi à Bruges. De l'autre côté, si j'ai dit Bruxelles oublie Bruges, c'est que c'est quand même une ville qui est un petit peu trop loin de Bruxelles pour être aidée par le gouvernement bruxellois. D'accord. C'était dans ce sens-là. J'en profite, Renate, que vous soyez en direct ce soir dans le 5 et 7 pour vous demander le petit secret de Bruges, le petit endroit magnifique qui n'est peut-être pas le plus connu, mais que vous, en tant que bourgmestre, vous connaissez. C'est quoi le petit secret que vous pouvez donner à nos auditeurs qui peuvent vous rendre visite à Bruges, qui est dans le classement des villes les plus accueillantes au monde ? Pour le moment, il y a un petit café, seulement cette année, à côté de la petite rivière, de l'eau, des rayons, comme on dit. Ouais. Donc, Bruges, c'est beaucoup de l'eau. Il faut toujours chercher le côté de l'eau, parce que c'est là qu'il y a des places qui sont les moins connues, mais les plus romantiques. Ah bah merci pour la bonne astuce. Je vous souhaite une excellente soirée et encore félicitations pour cette 9e place dans le classement américain des 20 villes les plus accueillantes au monde. Bonne soirée, Renate Leindeucht. À bientôt. Au revoir. Dans un instant, dans la suite du 5 à 7, il y a des bonnes choses qui arrivent. On va parler d'une magnifique histoire aux États-Unis. Alors les Américains nous font plaisir en nous mettant dans le classement avec une ville belge. Mais aux États-Unis, il y a des belles histoires. Et il y a un pourboire, je vous le dis, de 500€ pour une note d'à peine 37 cents. Comment c'est possible ? Et est-ce que chez nous, il y a aussi des chouettes pourboires de temps en temps ? On s'y intéresse avant 18h dans le 5 à 7 sur Vivacité. Jérôme de Warzé sera là aussi. On va prendre des nouvelles de ce qui s'est passé ce matin. Jérôme de Warzé qui n'était à nouveau pas présent au 8-9 pour le cactus. Mais que s'est-il passé ? Vous allez réentendre tout ça avant 18h. Vivacité présente le 21e Festival de Théâtre de Rue, rue du Bocage. 25 compagnies de théâtre de rue vous donnent rendez-vous les 27 et 28 août au centre-ville de Herve pour un festival haut en couleurs. Laissez-vous emporter par l'univers chaleureux et convivial de la rue du Bocage. Programme complet sur ruedubocage.be. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de tout installer ? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 59€ par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine équipée ? Et si nous la concevions ensemble ? 10 design fonctionnel et parfaitement équipé. Cuisson à induction, four multifonction, lave-vaisselle intégrée, Ego vous offre jusqu'à 2500 euros de remise sur l'électroménager. Conditions sur ego.be. Ego, la cuisine de ma vie. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Jérôme avait disparu, Jérôme de Warzé. Hier, c'était la panique au sein de la radio. On va voir ce qui s'est passé, quelle nouvelle il a donné ce matin. C'était dans le 8-9, vous entendrez ça dans quelques minutes sur Vivacité. Mais avant, je vais vous parler de Cassé Simons. C'est un serveur dans un restaurant à Dallas. Et alors, il y avait une dame qui était dans une épicerie. Alors, il est serveur dans une épicerie d'ailleurs. Il y a une petite dame qui n'est pas en grande forme, qui a la tête un peu, voilà, un peu déprimée. Il s'est intéressé à cette dame. Et le lendemain, sa fille est venue et elle est allée acheter juste une bouteille, un sirop, voilà, il y avait 37 centimes de note, et elle a rajouté 500 euros de pourboire et un petit mot en disant c'est super sympa, merci pour ma maman. C'était le troisième anniversaire de décès de son mari, donc du papa, et voilà, elle n'était pas en grande forme, vous avez pris le temps dans votre journée de vous occuper d'elle, voilà un cadeau pour vous. C'est génial, ça c'est du pourboire quand même. Chez nous, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'aux États-Unis et globalement dans les pays anglo-saxons, les pourboires c'est pas mal développé. Chez nous, comment ça se passe? C'est Yves Collette, vous êtes administrateur d'Oreca Wallonie. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 ce soir sur Vivacité. 500 euros de pourboire, vous avez déjà entendu ça, vous? Non, j'ai pas entendu ça en Belgique en tout cas. C'est dommage. Maintenant, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, bah, dans les usages, bah, il y a le tip. Donc on doit donner, en fait, les usages de donner entre 5, 10, même 15% de pourboire de la valeur de la somme qu'on a dépensée. Par expérience, moi, j'étais un jour arrivé aux États-Unis et j'avais oublié le pourboire. Et le serveur me trouvait en me demandant si j'avais un problème, j'avais mal mangé ou mal été servi. Sinon, tout était très bien. Et alors, il m'a dit, le type ne venait rien donner. Excusez-moi, je vais rectifier ça directement. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, là-bas, ce n'est pas compris dedans. Alors, chez nous, on voit sur... Chez nous, depuis les années 70, c'est compris, là. Alors, ça n'empêche pas les gens de laisser un pourboire, mais un mot sur le salaire des serveurs. Parce que souvent, on laisse quand même quelque chose en disant, le serveur, sinon, il n'est pas super bien payé. Les serveurs, chez nous, ils ont besoin des pourboires ou pas? En fait, ce qui se passe maintenant, vous savez, le monde évolue, la fiscalité évolue, les mœurs, les usages aussi. Et alors, de plus en plus de gens payent par carte de crédit. Oui. Donc, on va dire, on est à 70, 75% de paiement par carte de crédit. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils donnent leur carte, ils passent leur carte pour leur compte. Et alors, il y avait une carte prévue à cet effet, mais il ne marque rien. Donc, le serveur, peut-être, dans certaines circonstances, avec des gens, on vient dire, de... à 40-50 ans, qui étaient quand même dans une époque du service non compris, qui ont gardé l'usage, les jeunes, ils sont moins sujets à donner des pourboires en disant, c'est compris dans le prix, c'est compris, quoi. Mais les serveurs en ont besoin ou pas, aujourd'hui? Maintenant, le métier a évolué, il a changé, il est de moins en moins professionnel. On est dans le monde dans lequel on est... Ils en ont besoin, ils ont besoin certainement d'avoir un pourboire, ça leur fait plaisir. Si vous demandez aux éboueurs fin d'année si ça leur fait plaisir d'avoir un pourboire, ils vous diront oui, quoi. Alors, ça, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, c'est indispensable. S'ils n'ont pas ces pourboires-là, ils ne vivent pas. Voilà, c'est ça. Donc, service non compris. Chez nous, est-ce qu'ils ont des salaires assez corrects pour qu'on puisse dire je pars, je ne mets pas de pourboire, puisque c'est compris? C'est ça la question. Parce que forcément, ça fait toujours plaisir. Je dirais non, malheureusement, le salaire n'est pas suffisamment intéressant dans la mesure, par rapport aux caisses noires que vous avez posées, on devait avoir des compensations, des réductions au NSS, et on devait avoir pas mal d'avantages. Et en fait, pour un secteur spécifique comme le nôtre, avec toute la problématique des heures, des week-ends, imaginez-vous qu'un cuisinier qui a un salaire moyen, on lui dit, vous savez, monsieur, vous allez travailler vendredi soir, le samedi soir, le dimanche, vous serez dans la cuisine, vous serez au chaud, vous serez dans la grève, vous n'aurez jamais fini les journées, vous ne verrez jamais rien, vous allez transpirer, et seulement vous n'avez pas droit à grand-chose. Voilà, la situation elle est là, et les serveurs, c'est pareil, à un moment donné, il y a l'euro qui a joué, à un moment donné les gens, ils se disent, on ne sait plus très bien les comptes, on ne sait plus très bien la parité, c'est à 10 cents, ça représente combien, Et justement, vous voudriez qu'on laisse combien en pourboire? C'est quoi le pourboire idéal alors? Vous savez, le pourboire idéal, il n'y a pas de pourboire idéal, parce que dans une fiscalité où à un moment donné, le garçon qui a un pourboire, il devra le déclarer au fisc, et à un moment donné, il sera un avantage de nature, il sera taxé dessus. Donc à la limite... Donc on laisse rien. Je ne saurais même pas vous répondre à cette question, quoi. D'accord. On est dans un usage, dans quelque chose de gris, quoi, voilà. Les gens ont donné un pourboire, maintenant, c'est difficile de répondre à votre question. Bon, ben... Et chacun fera son introspection, et chacun se dira à un moment donné, ben voilà, est-ce que j'ai fait un service, un sourire? Parce que le gars, ben, il fait 35 degrés, comme il va faire demain. Le gars est transpire, est-ce qu'il mérite une gratification par rapport à un salaire de base qui est fort, fort moyen, et par rapport au travail qu'il a donné? Ben, chacun se posera la question. Et puis, si on veut, on fait comme cette dame aux États-Unis qui a laissé 500 euros. C'est quand même sympathique. Ça fait plaisir. Pareil, à mon avis, le moule, il est cassé, à mon avis. Merci, Yves Colette, d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Il est l'heure de retrouver Jérôme de Warzé. Parce que oui, on l'a retrouvé, c'est le vrai mot qui correspond aujourd'hui. Il avait disparu hier. Ce matin, il a donné des nouvelles dans le 8-9. Écoutez ce qui s'est passé. Christophe est là. Sarah présent. Est là. Présente. Bruno est là. Présent. Vous savez que hier, tout le monde s'est demandé où était Jérôme. Nous en premier. Si vous étiez hier dans le 5 à 7, la vérité vraie, c'est que j'ai encore essayé d'appeler Jérôme sur son répondeur à 11h10. J'ai eu le répondeur qu'on avait eu hier matin. Et hier à 18h, j'avais toujours pas de nouvelles. Et effectivement, tout le monde s'est inquiété, jusqu'à Jean-Luc Fonck, qui m'a envoyé 3 mails en cours de journée hier pour savoir où était Jérôme. On règle cette affaire, fait sonner son téléphone et il a intérêt à répondre. Le Jérôme de Warzé, on compose son numéro de téléphone. Et on va le réveiller, j'espère. Attention. J'espère qu'on n'aura pas le réponse. Si c'est sa messagerie, on la connaît par cœur. Ouais. Ouais. Allô? Jérôme, il vit encore. Oui, mais voix d'outre-tombe. Hein. Monsieur de Warzé. Monsieur Maréchal. Mais... Vous êtes où? Mais écoute, mais ça ne vous regarde pas, enfin. Est-ce que je vous demande où vous passez vos nuits, monsieur Maréchal? Qui est cette femme? Mais enfin, c'est sympa, les Bahamas. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que nous? Mais enfin, et franchement, on vous attend depuis hier. Tout le monde s'est inquiété, c'est la rentrée, mon vieux. Hein. Mais écoutez, monsieur Maréchal, tout le monde, je dis bien tout le monde, est encore en vacances, monsieur Maréchal. Les hommes politiques, les enseignants, les Gilles de Bêche, les joueurs du Standard sont encore en vacances, monsieur Maréchal. Alors, laissez en paix ceux qui ont une vie en dehors de la radio. Voyager, voilà. Oh, et franchement, même Sarah vous êtes inquiétée hier. Tout le monde s'est inquiété. Mais tout le monde s'est inquiété. Parce qu'on a guetté notre GSM moi. Toute la matinée, on n'a pas eu le moindre message, on s'est inquiété, Jérôme. Qui est cette Sarah? C'est la blonde. Vous vous souvenez de la blonde qui était là l'an dernier? Et si vous ne me consultez même pas pour les chroniqueurs, pourquoi voulez-vous que je revienne? C'est vraiment... Bon, la vérité est vraie, parce que la rumeur dit que vous êtes revenu de vacances cette nuit. Alors dites-moi simplement la vérité est vraie. Bah, écoutez, la vérité vraie, c'est qu'effectivement, je suis revenu de vacances cette nuit, extrêmement tard. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu le monde, j'ai même été à Spa, jusqu'au Francofolie. Je peux témoigner, j'ai mangé avec lui à Spa. Ah ben, c'est vrai, il était absolument. À Spa. Ah, Bruno est là. Ah oui, ça, vous ne savez vraiment plus qui y mettre, alors. Et merci d'avoir payé l'addition, hein, Jérôme. Il est temps que je rentre, alors. Ah mais ça ne l'a pas rendu sympathique pour autant. Alors, puisque vous l'avez cherché, Jérôme, et que hier, tout le monde s'est inquiété, vous méritez la huée générale de tout le monde autour de la table. Alors, à propos de la retenue sur salaire, nous allons trancher ça ensemble maintenant. Christophe, combien on avait dit, la retenue sur salaire? On va mettre un petit 3000, que j'empoche, bien sûr. Bien sûr. 3000. Mais, attendez. Oui. Attendez, mais de quel droit, monsieur Maréchal, vous donnez-vous compte de mon salaire maintenant? Oui, parce qu'entre-temps, j'ai pris la direction de l'établissement. Hier, on a dû appeler jusqu'à James Dino, qui nous a dit avoir fait le tour de toutes les femmes que vous avez croisées dans les dernières 48 heures. Hein, qui l'a dit? Il n'avait pas fini de compter. Il n'avait pas fini de compter. Écoutez, j'ai même cru à un moment hier que le monde entier parlait de moi parce qu'on t'avait dit qu'un artiste était porté manquant, que la musique était un choc. Mais ne rêvez pas, mon vieux. Effectivement, donc personne ne m'a pleuré, vous le savez très bien. Donc bon, je pense malheureusement que je devrais revenir demain. Bon, hein, bah alors tout, voilà. Tout est bien qui finit bien. Si vous revenez de vacances, oui. Je peux vous demander où c'est vie privée? Vous étiez où? Écoutez, c'était totalement vie privée, mais je me suis déconnecté complètement de l'actualité, parce qu'il ne s'est rien passé depuis 2 mois, et je suis impatient que les Jeux Olympiques commencent, par exemple. Ah ben vous ne serez pas déçus, on vous a réservé des trucs. Donc demain, on a intérêt à se voir bronzer autour de la table, et ça démarre à quelle heure, Bruno, le 8-9, qu'on peut lui rappeler? À 7h58. Voilà. Et à cette Donc, donc le 8-9 est déjà une fausse information. Hein. Oui, en soi. C'est pour être sûr que vous soyez là à 8h. Ouais, mais en soi, c'est un mensonge depuis le début, parce que ça démarre à 7h58 depuis le début. Bon, Jérôme, on est rassuré. On déchire l'affiche Wanted que nous avions composée hier. Oui, on sera, on sera content de vous revoir demain, alors sans blague. Il n'a pas de gage. Ah oui, c'est une erreur quand même. La retenue sur salaire, je on a vous dit. Laisse, je vous laisse. Non. Jérôme, bougez au pas. Au revoir. Sarah vous impose le gage. Sarah. Oh, bénévolat jusqu'en décembre, j'ai envie de dire. Ah non, ça y va. Toujours faire pencher mon argent à un moment. Enfin. Bénévolat jusqu'en décembre, il va démissionner. Ça, c'est on va le perdre. On va le perdre. Mais la réputation, mais arrêtez avec ça, enfin. Allez, allez faire vos lessives de t-shirts et de caleçons. C'est toujours comme ça après les vacances. Et à demain, Jérôme. Merci beaucoup, je compte sur vous pour le repassage. À demain. Ça va sans dire, titre service. Allez hop, on raccroche. Tout va bien alors. Ah. Vabona, votre arme contre les insectes. On a retrouvé Jérôme, on a retrouvé le soleil. Mais est-ce qu'il va rester le soleil, Dominique ? Et oui, il va rester toute la semaine. Demain, il va d'ailleurs faire un peu plus chaud qu'aujourd'hui encore. 27 à 32 degrés localement jeudi. La journée la plus chaude de la semaine, avec encore 2 degrés de plus, un temps estival qui va se poursuivre, même vendredi 26 à 30 degrés. Alors j'écoute, tu m'as resté. Pour la suite du 5 à 7 ce soir, on va partir aux États-Unis. Alors on aime bien les États-Unis aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a un troisième candidat qui s'est annoncé pour les élections présidentielles qui arrivent dans quelques mois. Et c'est un candidat plutôt original. On en reparle dans un instant dans le 5 à 7 sur Vivacité. Et puis toujours vos entrées VIP pour le spectacle à l'abbaye de Val-Dieu. Vous inscrivez maintenant, vous envoyez VIP au 6003. Bonne chance. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTBF Ovio. Vous écoutez Vivacité, il est 18h, voici les titres de ce journal avec Yasmina Favaro, bonsoir. Bonsoir, soleil, l'été s'installe pour la semaine, une canicule dont il faut se méfier, gare aux coups de chaleur, notamment pour les personnes âgées. Trop de médicaments sont donnés aux tout-petits, une pratique qui n'est pas sans risque, les microbes deviennent plus résistants aux antibiotiques. Qui pour remplacer l'agriculteur quand il est malade ? En général, personne, mais depuis quelques années, un service propose de prendre le relais pour quelques temps. La région Wallonne vient de leur accorder des subsides. Et puis dans le journal des sports, les détails sur le dossier chaud du moment. L'avenir de Yannick Ferreira au Standard. Qu'est qu'alors ? Yasmina, jusqu'à 30 degrés aujourd'hui, 32 demain et jeudi. La chaleur s'installe au moins jusqu'au week-end. Oui, la canicule est bien là. Si vous vous réjouissez du retour du soleil et du thermomètre qui grimpe, il y a tout de même quelques précautions à suivre pour éviter le coup de chaleur. Pensez à vous hydrater, éviter l'alcool et rechercher des endroits frais. Des conseils pour tous. Mais vous le savez, lors de fortes chaleurs, il y a des groupes plus à risque que d'autres, notamment les personnes âgées. Il faut être vigilant. Exemple, agilier à la maison de repos Noptini. Bonjour André, est-ce que vous avez encore assez d'eau ? André, comme tous les autres résidents de la maison de repos, est au centre de toutes les attentions en ce moment. En cause, la chaleur, bien sûr. Ça va, c'est supportable. La fenêtre est ouverte, je louche nuit et jour, je bois un verre d'eau, je descends dans le jardin ou je descends dans l'ergot où il fait plus frais. Liliane non plus ne semble pas trop souffrir de la chaleur pour l'instant. On fait un étendue, on a un ventilateur et tout va bien. Et vous n'avez pas trop chaud malgré tout ? Bon, on a un peu chaud dans le fauteuil parce que j'étais venu à Marseille, mais ça va quand même. Tout le personnel de la maison de repos est mobilisé, inciter les résidents à boire tout au long de la journée, les rafraîchir, adapter les repas. Il faut être vigilant, d'autant que certaines personnes plus âgées n'ont pas la même perception de la chaleur. Séverine Vanniwoneuys, la directrice. Même si nous on a chaud, eux parfois nous demandent de mettre un gilet parce qu'ils ont froid, ou si on essaie de descendre les degrés trop rapidement dans la pièce, ils ont une sensation de froid et ils trouvent ça désagréable, donc on essaie de descendre la température par palier. Ils ont moins la sensation de soif, donc c'est ça qu'on essaye de les stimuler régulièrement. On essaye aussi de faire un maximum d'activité dans les salles climatisées. N'hésitez pas à boire, hein, parce que quand il fait chaud comme ça, ça fait du bien de boire un coup. Hein. Je préférerais un portant, mais en fait, je me contente de ceci. Un reportage de Maxime Binet avec Cédric Loriot. Les enfants consomment trop d'antibiotiques. Oui, c'est le constat d'une étude des mutualités libres. Environ un bébé sur deux a déjà avalé des antibiotiques. Cette surconsommation n'est pas sans risque, car à force, les antibiotiques sont de moins en moins efficaces. Alors à qui la faute? La faute aux médecins qui prescrivent trop, la faute aussi aux parents qui poussent leurs médecins dans le dos. Pour Bernard Candy, chef du service pédiatrie à l'hôpital Saint-Joseph à Mons, papa-maman ne supportent plus de voir leur nourrisson malade. La patientèle est désireuse de résultats. Elle veut un résultat le plus rapide possible. La maladie est quelque chose qu'il faut pouvoir aussi accepter et apprivoiser et ne pas vouloir donner a priori un coup de marteau sur une mouche qui vole. Et le patient doit accepter aussi et faire confiance en son médecin en disant, voilà, ici je pense que c'est viral, nous attendrons 48 heures. Si l'évolution ne se fait pas dans le sens que je pense, vous me rappelez et nous jugerons utile à ce moment-là. Bernard Candy, chef du service pédiatrie à l'hôpital Saint-Joseph à Mons, interrogé par Simon Gérard. La conduite sous influence de stupéfiants est-elle en train de se banaliser? En tout cas, la zone de police d'Otigny-Louvain-la-Neuve prend la problématique très au sérieux. Fin juillet, elle a donc effectué des contrôles routiers anti-drogue et près de 2 conducteurs sur 10 étaient positifs en pleine journée. Aujourd'hui, les forces de police de la zone ont encore organisé un nouveau barrage. Thomas De Broucker y était. Les véhicules se suivent et les policiers demandent aux conducteurs suspects de se mettre sur le côté. Tout est vérifié, mais c'est surtout la prise de stupéfiants qui est contrôlée grâce à un test salivaire. Le chef de corps de la zone, Maurice Lévesque. Alors on va sur le cannabis, on va sur tout ce qui est opiacé, on va sur la cocaïne et tout ce qui est amphétamine. En 2 heures, nous avons contrôlé 4 véhicules qui nous semblaient suspects. Et sur ces 4 véhicules, 3 chauffeurs étaient sous emprise de la drogue. La banalisation de la drogue au volant peut s'expliquer par des contrôles antidrogue qui sont rares du fait de leur lourdeur procédurale si l'automobiliste est positif au test salivaire. C'est ce que confirme la commissaire Wei Chunsai en charge du barrage. On est obligé de procéder à un prélèvement sanguin puisque l'analyse de sang est en fait la seule preuve en justice. Et ça, c'est relativement lourd. Ça nous oblige systématiquement à retirer une équipe du dispositif. C'est aussi lourd pour le contrevenant parce qu'on est obligé de l'emmener à l'hôpital pour procéder à un prélèvement sanguin. Tout ça est long. Impression confirmée par Guillaume qui vient de se faire contrôler. Surpris que ça dure aussi longtemps, qu'on teste vraiment tout. On parle beaucoup de la lutte contre l'alcool au volant, mais justement les stupéfiants au volant, on en parle moins. J'ai aucune idée de la raison, mais effectivement j'ai cette impression-là. À l'avenir, des campagnes de prévention devraient être lancées et les contrôles intensifiés afin que les automobilistes sachent qu'entre se droguer ou conduire, il faut aussi choisir. Être agriculteur, c'est un métier, 365 jours par an, 24 heures sur 24, et c'est parfois difficile à assumer. Oui, parfois le besoin de faire une pause s'impose ou un problème de santé empêche les agriculteurs d'assurer leur travail. Mais alors qui pour prendre le relais? C'est là qu'entrent en scène les services de remplacement agricole. Et pour continuer à fonctionner, cette association vient de recevoir la promesse de 3 ans de subsides de la Wallonie. Carl Defoix nous explique comment ça fonctionne. En fait, moi, je suis agriculteur ici depuis 1991. Jacques Henrico est fermier près de Durbuy. Mais aujourd'hui, il est dans le plâtre après s'être luxé l'épaule droite et démis les doigts de la main gauche. Un seul recours, les services de remplacement agricole. Ils supplient les fermiers qui, comme lui, sont blessés ou même qui veulent prendre un peu de repos. Ça me coûte 200 euros de cotisation annuelle. Avec cette cotisation-là, ça me donne le droit de demander le service de remplacement agricole. C'est en 1977 que le service s'est constitué. Grâce à lui, des centaines de cultivateurs ont pu passer un cap difficile ou s'accorder quelques jours de vacances. Les fermiers, a priori frileux à l'idée de laisser une autre personne qu'eux s'occuper de leur exploitation, ont peu à peu franchi le pas. Il faut dire que le plus souvent, les remplaçants sont eux-mêmes fermiers ou fils de fermiers, comme Bruno Simon, et ça aide. On fait souvent appel à vous? Oui, tous les jours, à peu près, oui. Souvent, on est bien accueillis. Quand ils ne savent pas faire leur travail, il faut bien qu'ils accueillent quelqu'un comme il faut, quoi. Début des années 80, 70 000 heures étaient ainsi prestées. Aujourd'hui, c'est quasi le double. Pour maintenir le service à l'équilibre financier, la région ouvre son portefeuille. Le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin. Bien sûr, il fonctionne avec des cotisations. Il y a un tarif horaire. Mais pour que ce tarif, dans des cas malheureux comme des accidents, des maladies, voire même des décès, puisse être abordable, eh bien, la Wallonie apporte un budget annuel de 950 000 euros. Aujourd'hui, le ministre a annoncé le renouvellement de cette contribution pour les 3 ans à venir. De quoi conforter un service d'aide désormais indispensable pour un quart des fermiers wallons. Les explications de Carl Defoix. Elle sera toujours immortalisée dans les BD Snoopy, l'éternelle petite fille aux cheveux roux dont Charlie Brown est amoureux. Donna Mae Wald est décédée, elle avait 87 ans. C'est elle qui avait inspiré ce personnage à Charles Schulz, le papa de Snoopy. Elle avait fréquenté l'auteur pendant plusieurs années, mais avait refusé de l'épouser quand il avait fait sa demande. Ah bah ça voilà. C'est pas cool. Ça, c'est triste. Il devait être triste quand même. Et puis c'est triste aussi qu'elle nous ait quittés. Ça me fait penser que ma grand-mère avait un chat qui s'appelait Snoopy. On s'en fout, mais c'est drôle pour un chat de s'appeler Snoopy. Oui, c'est vrai que normalement c'est pour les chiens, mais voilà, chacun appelle son animal de compagnie comme il le préfère. Hein. Exactement. Voilà. Merci Yasmina, bonne soirée. Dans un instant, le journal des sports. Avant ça, on part sur les routes, c'est le RTBF Mobile Info tout de suite. Pierre Collard-Beauville, y a-t-il des soucis? J'ai une bonne nouvelle de la bourse, c'est que c'est terminé pour l'accident dans l'échangeur de Woluwe et Saint-Etienne sur le ring de Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. En revanche, pas mal de ralentissements encore sur le ring. 28 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Billard, plus 20 minutes pour l'extérieur Grand Billard au titre, et plus 16 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. On ne ralentit plus non plus sur le ring 3 de Charleroi pour l'instant en direction de Gouy. Tout est rentré dans l'ordre. Une perte de chargement sur la nationale 90 Namur-Charleroi. C'est à hauteur de Mornimont. Le passage est difficile en direction de Charleroi. C'est du gravier qui est répandu sur la chaussée et c'est assez dangereux pour les motards, évidemment. Si vous êtes motard, levez le pied en arrivant. Enfin, pas le pied, mais on réduit la vitesse en tout cas. Un véhicule en panne sur le 411 Namur-Bruxelles à hauteur de Champion. Il est en berme centrale en direction de Bruxelles. L'automobiliste se déplace vers la station d'Esch. Alors vous êtes ralenti au poste frontière français sur le 40 Yabé-Calais. Vous perdez une petite dizaine de minutes. Et puis on signale un contrôle de vitesse également sur le 19 Mons-Bruxelles entre Arken et au titre. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Le PC portable Asus disque dur 1 Tera à 499€. Chez Cora, PC, ça veut dire pas cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Vivacité, le journal des sports. Et on retrouve Jérôme Elguers. Jérôme, la team Belgium est bientôt de retour au pays. L'avion de la délégation belge arrive là dans un peu plus d'une heure sur le tarmac de Zaventem. Et horaire théorique, 19h25, à son bord un gros contingent de sportifs, avec notamment les hockeyeurs, mais aussi les athlètes comme Nafi Thiam ou notre relais 4x4. Malheureusement, pour le public et les supporters, inutile de se rendre dans le hall d'arrivée. Pour des questions de sécurité, nos Olympiens quitteront Zaventem par une sortie interdite au public. Il faudra donc attendre le mémorial Van Damme pour approcher et féliciter les athlètes. Pierre-Olivier Beckers, président du comité olympique belge. Tout d'abord, aujourd'hui, évidemment, la famille, les proches des athlètes seront présents pour les accueillir sur place à l'aéroport. J'y serai moi-même et d'autres personnes. Mais plus tard, nous allons, comme nous l'avons fait après Pékin et après Londres, nous allons célébrer les performances de tous les athlètes lors du mémorial Ivo Van Damme. Et l'ensemble des athlètes du Team Belgium sera invité dans le stade de Roi Baudouin et sera mis en avant. À ce moment-là, ce sera certainement un très beau moment pour eux, puisqu'il y a 45 000 personnes présentes et de très nombreux téléspectateurs, et je crois qu'il y aura aussi beaucoup de monde à l'extérieur du stade. Interview Ibi Brouzakis. Le mémorial Van Damme est programmé le 9 septembre et vous pourrez également y applaudir la championne olympique du 100 mètres et du 200 mètres, la Jamaïcaine Hélène Thompson, a confirmé sa présence à Bruxelles. Toujours à propos d'olympisme, notre équipe de hockey a gagné une place au classement mondial. Les Red Lions passent du 6e au 5e rang. Et puis une confirmation, il n'y aura pas de sportifs russes aux Jeux Paralympiques. Le TASS, le tribunal arbitral du sport, a décidé de maintenir sa décision et donc d'exclure tous les athlètes paralympiques russes. Les hauts dirigeants russes parlent d'une décision cynique et plus politique que juridique. Côté belge, cette décision signifie que notre délégation pourra envoyer 5 athlètes de plus. Il y aura donc 29 paralympiens belges aux Jeux. Début des compétitions le 7 septembre. En football, le dossier chaud du moment nous emmène à Sclessin. Le climat est assez lourd en bord de Meuse. À 7h, Yannick Ferreira est toujours l'entraîneur du Standard, mais il ne convainc plus grand monde et des noms circulent déjà pour le remplacer. Thierry Luters fait le point sur cette position de plus en plus fragile. 5 points sur 12 avant d'aller à Bruges et un bilan global de 49 unités sur 102 depuis son arrivée à Sclessin. Les chiffres ne plaident évidemment pas en la faveur de Yannick Ferreira. Ce dernier avait sans doute sauvé sa tête en remportant la Coupe de Belgique la saison dernière, car déjà à l'époque, la non-participation au play-off 1 avait suscité en interne le débat sur l'avenir du coach bruxellois en bord de Meuse. Seul le président Venanzi a soutenu son entraîneur contre vents et marées, alors qu'en coulisses, le binôme Van Buyten-Renard était favorable à son éviction. Mircea Retnic, proche du clan Henrotté, avait même été contacté le printemps dernier. Aujourd'hui, c'est le nom du portugais Vitor Pereira qui est cité. Il fait partie de l'écurie de Christophe Henrotté, l'homme qui, dans les faits, gère la politique sportive du club. Un revers à Bruges serait sans doute fatal pour Yannick Ferreira, que l'on sent un peu désemparé en ce moment et en tout cas tenu à l'écart par sa direction concernant les dernières démarches en cette fin de mercato où le Standard a bien besoin de renforts. À la décharge du coach, son équipe manque singulièrement de poids offensif et le départ inopiné d'Ivan Santini pour Caen n'y a évidemment rien arrangé. Et vous l'aurez compris, si le Standard ne s'impose pas à Bruges dimanche, Yannick Ferreira sera plus que probablement remercié. Selon nos informations, les prétentions financières du Portugais Vitor Pereira seraient très voire trop élevées. Résultat, le club liégeois aurait activé une deuxième piste du côté de l'Allemagne, grâce notamment au bon contact de Daniel Van Buyten. Et puis du côté des joueurs, le départ d'Adrien Trebel est possible. La Gantoise et Al Jazeera sont intéressés. Toujours chez nous, le Sporting de Charleroi est convoqué par l'Union Belge suite au comportement de ses supporters. Vendredi dernier au Standard, justement, les supporters Carolo avaient lancé des fumigènes sur le terrain et vers les tribunes liégeoises avant le coup d'envoi du match. À l'étranger, on joue ce soir en Coupe de la Ligue anglaise. C'est le deuxième tour, l'entrée en lice des grands clubs et donc des affiches charmantes entre petits clubs de D4 ou D3 face aux ogres de la Première Ligue. On sera particulièrement attentif au match entre Crystal Palace c'est Blackpool. Le Belge Christian Benteke pourrait jouer ses toutes premières minutes avec son nouveau club de Crystal Palace. On reste en Angleterre avec un transfert. Notre compatriote Richie Delatte quitte Leicester pour signer à Aston Villa. Les Villains qui sont descendus en D2 espèrent remonter au plus vite. Il vaut mieux le dire avec l'accent, hein, parce que sinon ça fait les vilains. C'est pas très sympa pour eux. En bref, encore une nouvelle victoire française au Tour d'Espagne. Et quelle victoire! Le jeune Lilian Calmejean a remporté à 23 ans, sa toute première victoire chez les pros. Victoire de choix avec cette quatrième étape de la Vuelta qui arrivait au sommet d'une ascension. Le Belge Thomas De Gendt était dans la bonne échappée, mais il manquait de jus dans la dernière côte. Le maillot rouge de leader change d'épaule. Ruben Fernandez le cède au Colombien de la BMC, Darwin Atapuma. Chez nous, victoire belge de team Team Merlier au Grand Prix de Zottegem. Et puis sur Radio Mercato, notre jeune et talentueux compatriote Floris De Tir quittera Top Sport en fin de saison pour rejoindre le World Tour et les Néerlandais de l'Auto Jumbo. L'équipe Etix Quickstep a elle engagé l'Italien Eros Capecchi. Merci beaucoup Jérôme pour ce journal des sports. Vous revenez demain ? Oh oui, hein. Allez, on va faire ça. On fait ça. Bonne soirée Jérôme, il est 18h15. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. 5 à 7. Dans la suite de ce 5 à 7, on va prendre la direction des États-Unis. Vous connaissez les candidats aux élections présidentielles aux États-Unis. Il y a Donald Trump, il y a Hillary Clinton, et puis il y a un troisième qui s'est ajouté, Alice Cooper. Ça dénote. On verra ça dans un instant. C'est pas la première fois qu'il y a des candidatures plutôt originales pour des élections. On y revient dans quelques minutes. Je vous parlerai tout à l'heure de The Voice. Ça y est, on sait qui sera membre du jury cette année. Les noms ont été dévoilés aujourd'hui. Il y a des noms plutôt surprenants. On verra qui et pourquoi avant 19h dans ce 5 à 7 sur Vivacité. On retrouvera Candice tous les jours avec Candice depuis hier, depuis la rentrée de Vivacité. On fait le point sur les dernières news en ce qui concerne la cuisine. Vous allez être bluffés dans quelques minutes. Ne bougez pas. Et puis je vous offre des cadeaux tous les soirs dans le 5 à 7. Il y a Félix qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Félix. Oui, bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7. Vous êtes de Olne, c'est bien ça? Absolument. Qu'est-ce qui vous plaît à Olne? Si vous deviez définir votre ville, votre village en une phrase, ce serait quoi? Olne, c'est un des plus beaux villages de Belgique par sa convivialité, son environnement et par la sympathie de ses habitants. Eh ben, vous méritez une écharpe, vous, de représentant de Olne. Je trouve que ça vous irait très très bien, Félix. Félix, si vous êtes là, c'est parce que vous allez repartir avec des places, des entrées VIP pour aller voir un spectacle magique, ça va être exceptionnel. C'est le 28 août à 22h30 à l'abbaye de Val-Dieu. Le spectacle s'appelle 800 reflets et ça va brasser les grands moments de l'histoire du Val-Dieu. Vous êtes notre invité VIP. Il y en a deux, il y a deux places. Vous allez avec qui vous voulez voir ce spectacle, d'accord? D'accord. Profitez-en bien, je vous souhaite une bonne soirée Félix, à bientôt. Merci, bonne soirée à vous aussi. À bientôt, merci. Dans quelques minutes, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on remet en jeu un nouveau cadeau. Je vous dis pas quoi, restez bien là. Et déjà la nostalgie ce mercredi dans le 8-9. Pas la nostalgie des vacances, la nostalgie des années 80. Caroline Loeb viendra nous raconter ses années de A à Z. De la musique à Dallas, en passant par ses rencontres avec Madonna ou la croisière s'amuse. Et vous, vous aviez quel âge en 1987? Répondez pas maintenant, répondez ce mercredi dans le 8-9 sur la Une Télé et sur Viva. Le 8-9, avec Benjamin Maréchal. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? Les émissions, l'info, les animateurs, la météo, les résultats sportifs, les concours, les coulisses, des blogs exclusifs, l'écoute en direct ou quand vous voulez. Vivacité.be, c'est tout Vivacité et encore plus dans votre PC. Vivacité à Esneux, en toute complicité, sur 90.5 FM. Trouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Vabona, votre arme contre les insectes. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Il y aura dans quelques mois les élections présidentielles américaines. On vous en parle très régulièrement sur les médias de la RTBF. Vous connaissez les deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump. Et voilà qu'aujourd'hui, un nouvel arrivant dans cette liste pointe le bout de son nez. Il s'appelle Alice Cooper. I gotta stay awake. I just can't sleep. Because I know inside if I close my eyes. Alors, il fait de la bonne musique, il chante bien, mais est-ce qu'il peut être un bon président? On va en parler, parce que cette candidature plutôt étonnante, c'est pas la première fois que ça arrive. Michel Hermans, vous êtes politologue à l'ULG et spécialiste des médias de la communication. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Ça vous étonne cette candidature de Alice Cooper? Je dirais que ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a eu de fait d'autres cas, mais pas nécessairement... oserais-je dire aussi folklorique. Généralement, ce sont donc les deux grands partis qui présentent des candidats. Il y a beaucoup de partis aux États-Unis, mais ils n'ont pas les moyens de se présenter pour des élections présidentielles. Il y a eu des cas de gens qui ont percé, notamment dans des hommes d'affaires, et qui sont parvenus à gagner quelques États, mais ça a toujours été démocrate républicain. Mais cette année, comme on a déjà quelqu'un de particulièrement farfelu avec Donald Trump et qui est lâché de plus en plus par des gens du Parti républicain ou en tout cas qui sont très inquiets de sa candidature, de sa façon de se comporter, qu'en plus Hillary Clinton n'est pas nécessairement bien vue, le taux de popularité des deux candidats étant très mal vu, l'arrivée d'Alice Cooper est quelque chose qui pourrait être intéressant à voir évoluer. Son slogan, c'est un homme perturbé pour une période perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour le moment, aux États-Unis, comme dans toutes les démocraties occidentales, j'aurais tendance à dire pour l'instant, la politique déstabilise beaucoup de citoyens. Et si Donald Trump a fait une telle percée dans les primaires, c'était déjà un indicateur. Alors, pourquoi pas Alice Cooper dans ce cas-ci? La chose qui est comparable avec les deux autres candidats, c'est qu'il a à peu près le même âge que les deux autres candidats et sont tous d'une même période. Mais bon, il n'a aucune chance, évidemment. C'est plus folklorique qu'autre chose. Il arrive déjà tard. Les campagnes, ça se prépare. Il faut des équipes. Il faut beaucoup d'argent, surtout aussi. Je ne dis pas qu'il n'est pas sans moyens, mais bon, c'est clair que c'est plus pour montrer à quel point la situation est peut-être dégradé au niveau de la confiance politique. Oui, parce que le programme n'est pas très sérieux, on ne va pas se mentir. Le programme n'est pas sérieux du tout, mais je vous dis, son slogan est intéressant. Un homme perturbé dans une période perturbée, c'est vraiment pour dire, regardez, ça ne va pas très bien aux États-Unis, on ne sait plus très bien sur qui se baser. Hillary Clinton a beaucoup de chance parce qu'en face, c'est quelqu'un qui fait peur à tout le monde, et pourtant, il y a beaucoup d'Américains qui en ont assez d'establishment, et qui voudrait voter pour Trump. Et alors justement, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que malgré tout, ça marche un peu pour lui? Pour Trump ou pour Alice Cooper? Pour les scoopers, ça peut marcher pour une partie, mais ce qu'il fera, il ne gagnera pas, mais il risque d'enlever des élections, des voix aux autres candidats. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ça peut bousculer les candidats quand il y a ce genre de candidature un peu ou même très originale. Est-ce que les deux autres candidats, ici en l'occurrence Donald Trump et Hillary Clinton, peuvent adapter leur discours ? Ou pas. Ils peuvent adapter leur discours s'il y a un discours réellement intéressant de la part d'Alice Cooper, mais le programme, vous l'avez dit, un peu farfelu. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement, hein, ça c'est clair. Bon, manifestement, il pourrait attirer tous des vieux de l'époque rock'n'roll, même et même des jeunes qui en ont assez de cette politique un peu figée, parce que le système électoral américain et critiquer, c'est clair, mais de là à prendre des voix, et peut-être à quelques voix près, parce qu'il faut se rappeler, en 2000, George W. Bush a gagné vraiment à quelques voix près en Floride contre Al Gore, mm-hmm. mais au total, il n'avait pas le maximum de voix. Eh bien, c'est le genre de situation qu'on pourrait avoir ici. Mais je ne crois pas beaucoup à cette situation, et je pense qu'il pourrait, comment dirais-je, même abandonner avant la fin de la campagne électorale. Et si le grand Jojo se présentait un jour chez nous ? Vous pensez que là, il aurait ses chances ? Ben écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne voulais pas faire la comparaison avec le grand Jojo, mais avec Coluche en France. Oui. Si vous vous rappelez, Coluche s'est présenté aux élections présidentielles et quelque part, il n'avait pas véritablement eu un mauvais résultat. Il y avait véritablement une crainte parce que... Il déstabilisait complètement le système politique français traditionnel, qui aussi est un système bipolaire, c'est-à-dire d'un côté la gauche et la droite, mmh. en tout cas à l'époque, et ça avait un peu énervé tout le monde, et puis finalement il s'est quand même retiré lorsqu'on est venu aux choses plus sérieuses pour les élections au premier tour. Donc oui, pourquoi pas, il y a eu d'autres candidats farfelus un peu partout, hein, ça c'est clair. Regardez en Italie, hein, il y a eu un candidat farfelu, mais qui finalement a engendré un parti politique. Ah ben oui, au final, oui, c'est devenu sérieux. Ben oui, qui est devenu sérieux avec une maire à Rome et à Milan. Turin, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ce sont des situations de ce type-là qui peuvent se présenter. Mais la personnalité de départ, je pense, est simplement là. Peut-être pour attirer aussi des gens qui viendraient voter pour rire, alors qu'ils ne seraient pas venus voter, parce que le vote n'est pas obligatoire aux États-Unis. Donc on suivra ça. Les gens qui vont s'abstenir. Voilà. Merci beaucoup, Michel Hermans, pour vos explications. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous en prie. À bientôt. Merci également. Il est 18h25. 5 à 7. Comme tous les soirs dans 5 à 7, il est l'heure de retrouver Candice Cotter. Bonsoir Candice. Hello Cyril, hello tout le monde. Alors, une chouette invention dans la séquence de ce soir, le Foodie Dice. Alors, comme ça, a priori, ça ne dit rien. Tous les soirs, vous allez arriver avec des noms qu'on ne comprend pas. Donc, non, là, c'est ça, vous allez voir. Non, en fait, c'est juste de l'anglais, c'est même pas du coréen. Hein. C'est Foodie vraiment Dice. Juste... Foodie Dice, ça veut dire des culinaires, en gros. Le dice, c'est un dé. Ah oui, un simple dice comme ça. Oui, ouais, dice comme ça. Je pensais dé apostrophe glace, vous voyez. Ah, dites donc. Non, non, non. Ice baby, non, on n'est pas là-dedans. C'est le foodie dice. Et donc, l'idée, c'est que c'est un dé qui vous permet de choisir ce que vous allez manger le soir. Que celui qui ne s'est jamais demandé ce qu'il allait encore faire à manger ce soir jette la première brioche. Je pense même aux habitués de la casserole. Même eux, à un moment, peuvent tourner en rond. À chaque problème, une solution. Le fameux foodie dice, donc ce dé culinaire. Alors, ce sont des dés en bois. Imaginez pour nous aider lorsque on est en panne d'inspiration culinaire, mais gravement. La base comprend 5 dés qui, une fois lancés, vous donnent le type de protéines, premier truc, donc vous avez un dé et il est marqué dessus, viande, poisson, œufs, protéines, veggies, ouais. Ce que vous avez. La cuisson que vous allez entreprendre, vous pourriez entreprendre, deuxième dé, sauté, wok, mijoté, four, que sais-je. Vous avez un légume, troisième dé, un féculent, quatrième dé, et le cinquième dé, c'est un ingrédient bonus qui rend la recette originale. Mais en tout, le truc est suffisamment bien fait, c'est ça qui est ingénieux, pour qu'il y ait des centaines de possibilités de menus sur ces 5 dés, mais tous harmonieux. Qu'on n'est pas d'un coup. Ça va faire un truc improbable. Quoi. Voilà, qu'on n'est pas d'un coup ketchup avec, je sais pas Nutella. Moi. L'idée. J'ai mal. C'était douloureux. Ce mot est sorti comme ça. Je ne sais pas si je vais m'en remettre. J'allais dire que c'était simple et ingénieux, mais je ne sais pas. On ne serait pas en radio, je demanderais une minute de silence. Enfin, soit. Mais donc, la société s'est lancée il y a un an. La société Foodie Dice, donc ils ont pris le même mot, le même nom, s'est lancée il y a un an grâce au support des internautes. Donc, on est vraiment dans le truc du financement en ligne, l'idée de génie qui décolle. C'est une chouette histoire de deux sœurs qui se sont simplement amusées à faire céder pour elles-mêmes à la base. Et la mission de la marque, bah, c'est tout simplement de nous rendre la cuisine un peu plus facile, un peu plus ludique, la tâche ménagère un peu moins ingrate. C'est un peu ça. Vous, ça fonctionne super bien, tellement bien qu'elles ont lancé maintenant une seconde collection de Foodie Dice pour les cocktails. Donc vous avez vraiment eu des recettes de cocktails originaux. Original, et alors ça fonctionne super bien. C'est pas supra donné, mais bon, l'un dans l'autre, on s'en sert à vie. Vous pouvez commander les Foodie Dice sur leur site, www.foodiedice.com. Le budget, c'est de 20 à 35 euros, selon que vous choisissez le petit sac de 5 dés, 20 euros, ou le tout gros bocal rempli de plusieurs dés pour plusieurs types de menus, menus saisonniers, etc. Il y a plein de possibilités. Je trouve que c'est une super chouette idée cadeau, ouais, tout autant pour les foodistas qui ont l'habitude que pour ceux qui tâtonnent en cuisine. Vous vous retrouvez vraiment avec quelque chose que vous allez utiliser, réutiliser, et même si vous les oubliez dans votre placard à un moment, vous les retrouvez avec plaisir, c'est quand même le principe du chouette ustensile culinaire. Et puis pour toutes les familles qui se plaignent que ce soit toujours la même personne qui cuisine, au moins l'autre peut lancer les dés. Il participe à la cuisine à sa façon. Pas mal, on pourrait faire une autre collection de dés avec les noms des personnes de la famille. Ah ouais, c'est vrai. C'est toi qui t'y colles ce soir. On ajoute ça, ouais. Pas mal. Bah, et c'est tous les autres qui vont au resto du coup pour bien manger. Merci Candice, à demain. Merci, à demain. Qui sera jury dans The Voice cette année, vous voulez le savoir? Bah, c'est sorti aujourd'hui. On en reparle dans quelques minutes et surtout, il y a des choix étonnants. On verra pourquoi avec la productrice de The Voice qui sera l'invitée de ce 5 à 7 dans quelques minutes. Et puis, en France comme en Belgique, il y a un problème avec le secteur apicole. 50% de baisse des récoltes en 2016 par rapport à 2015. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelles sont les raisons et qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, c'est avant 19h sur Vivacité. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non? C'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. La rentrée scolaire avec Le Soir. Français, maths, sciences, histoire, géo. Le Soir propose 4 rendez-vous destinés aux jeunes lecteurs qui rentrent en secondaire et souhaitent remettre à jour leurs connaissances. Chaque jour, 2 pages d'exercice avec leurs correctifs pour bien réviser. En route vers le secondaire, du 22 au 25 août, avec Le Soir. Nouvelle Fiat Tipo 5 portes à partir de 13 200 €, 4 ans de garantie inclus. Il en faut peu pour recevoir beaucoup. À découvrir spécialement aux établissements Constant. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Apprendre un métier, c'est le défi que vous proposent les écoles de promotion sociale FPS. Grâce à nos formations qualifiantes, vous pourrez travailler dans des domaines qui vous correspondent vraiment. Les écoles FPS vous proposent également une formation générale pour obtenir vos certificats primaires et secondaires. Inscription pour nos cours à Liège, Verviers, Warem et Anu dès le 25 août. Écolefps.be. L'école de promotion sociale d'Anglure. Une équipe dynamique vous propose des formations en journée ou en soirée. Anglais, alphabétisation, informatique pour débutants, Photoshop, création de sites, Illustrator. Et en nouveauté, une formation auxiliaire de l'enfance et utilisation de tablettes et smartphones. L'école de promotion sociale d'Anglure. Plus d'infos sur epsa.be. Remarquez la ponctualité, 18h30, voici les titres de l'actualité avec Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. La phase d'avertissement de niveau 2 du plan ozone et forte chaleur sera activée à partir de demain jusqu'à dimanche en raison des prévisions de fortes températures pour ces prochains jours. C'est ce qu'annonce la cellule interrégionale de l'environnement. L'IRM prévoit une température minimale moyenne supérieure à 18 degrés et maximale supérieure à 30 degrés durant au moins 3 jours de suite. Il faut être prudent pour les personnes faibles, bien s'hydrater. D'autres en profitent à fond. C'est le cas là où il y a des piscines extérieures. On l'entendra à 19h. L'année 2016 sera probablement une année record pour la douane belge en termes de saisie de cocaïne. Selon le SPF Finance, près de 22 tonnes ont déjà été saisies. C'est 6 de plus que sur toute l'année 2015. Une augmentation de 36%. Et c'est lors des mois de juin, juillet et août que les plus importantes saisies de drogue ont été effectuées. Les stupéfiants à chaque fois trouvés dans des sacs de sport, cachés dans des chargements légaux de conteneurs. Les détails tout à l'heure. Merci Natacha. Vous parlez de bien s'hydrater. Oui. Une pinte en terrasse, ça marche ou pas? Je crois que l'alcool n'est pas trop recommandé. Non. Hein. Ok, non mais voilà, j'essayais de trouver une raison, ça ne marche pas. On boira de l'eau, tant pis. Ah oui, merci. Vous êtes en train de draguer, grenadine en fait. Ah, oh, grenadine, pardon? Vous êtes en train de draguer, simplement. Ah! Pour parler d'hydratation. Oui, mais c'est vrai que si vous voulez qu'on s'hydrate ensemble, allons nous hydrater. Ça, c'est un nouveau plan de règle. Vous voulez venir avec nous, Dominique? Écoutez, En fait, elle est jalouse. Toute l'histoire, c'est ça. Mais voilà, il en drague une autre devant. Mais moi, c'est ça. Alors, pas gêné, non, mais. On vous retrouve tout à l'heure à 19h, Natacha. Voici la météo tout de suite, Dominique. Mais j'en irai pas, du coup. Voilà. Je resterai seule à boire un verre sur ma terrasse à 16 à 18 degrés. Ceci dit, je n'aurai pas froid. Tant mieux. C'est bien, oui. Et puis, si vous avez eu chaud aujourd'hui, vous aurez encore plus chaud demain en journée, puisqu'on annonce 27 à 32 degrés localement jeudi. Chaud, encore plus chaud, 2 degrés de plus. Un temps estival qui va se poursuivre vendredi, on en parlait. 3 jours d'affilée, 26 à 30 degrés. Attention, quelques nuages samedi et un risque orageux qui va s'intensifier sans doute dans le courant du week-end et mettre fin à cette bouffée de chaleur. Merci pour la météo. Si vous ne voulez pas aller boire un verre, que Natacha ne veut pas, peut-être que Pierre Collard-Bovy lui voudra bien. C'est le RTBF Mobile Info. Pierre Collard-Bovy, vous acceptez mon invitation ou pas? Mesdemoiselles, méfiez-vous, cet homme est un pervers, il parle en langage codé. Mais non, pas du tout. Comment ça se passe sur les routes? Bah écoutez, quelques ralentissements encore dans les tunnels de la capitale, du tunnel Porte de Halle au tunnel Léopold II en direction de la Basilique, et puis du tunnel Rosier au tunnel Arlois en direction du Midi. Sur le ring de Bruxelles, bien trois tronçons sont encore un peu ralentis. 19 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 18 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 14 minutes pour l'extérieur Grand Bigard. Au titre, une perte de chargement toujours en cours sur la nationale 90 Namur-Charleroi à hauteur de Mornimont. Le passage est difficile en direction de Charleroi. C'est du gravier. S'il faut le ramasser grain par grain, ça va prendre du temps. Prudence pour les motards, bien évidemment. Là, ça peut provoquer des glissades. Le véhicule qui était en panne sur le 411 Namur-Bruxelles autour des Champions, c'est terminé. Vous ralentissez plus que quelque peu sur le 40 Yabé-Calais entre Bredune et Guivelde pour vous rendre en France. Et puis, une dernière fois, on vous communique ce contrôle de vitesse sur le 19 Mons-Bruxelles entre Arken et Autitre. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Eh ben, on a encore beaucoup de choses à faire pendant 25 minutes. Vous savez que depuis aujourd'hui, on connaît le nom du nouveau jury de The Voice. Qui sera assis sur les fauteuils rouges? Je vous le dis, si vous ne les avez pas encore, dans quelques minutes. Et surtout, comme il y a des choix un peu surprenants, eh ben, on verra pourquoi dans quelques minutes avec la productrice de The Voice qui sera l'invitée de ce 5 à 7 sur Vivacité. On parlera de miel aussi. Je sais pas si vous aimez le miel sur une petite tartine, sur un fromage, dans du thé ou n'importe où. Eh ben, vous allez peut-être être déçus puisque cette année, on nous annonce qu'il y a une baisse de plus de 50% des récoltes par rapport à l'année dernière. Alors pourquoi est-ce qu'on peut y faire quelque chose? On verra ça aussi avant 19h dans le 5 à 7 sur Vivacité. On retrouvera les meilleurs moments des enfants de cœur, l'histoire de Voït avec Marc Toesca et puis des cadeaux aussi à gagner. Je vous invite en famille, grâce au beau vélo de Ravel, à aller découvrir le War Museum à Bastogne. Vous savez que pendant toute la période du beau vélo de Ravel, grâce à Ciné Télé Revue et 365.be, on essaie de vous faire découvrir un maximum de sites touristiques auxquels vous pensez peut-être pas, parce que c'est peut-être pas à côté de chez vous. Alors forcément, si on est à Bastogne, le War Museum, on connaît. Si on est je sais pas moi, à Namur, on va connaître d'autres petits secrets de Namur. Mais pas ça. Alors justement, on va voyager en Wallonie pendant quelques semaines encore grâce au beau vélo de Ravel. Et vous gagnez vos 4 entrées. Donc pour ce Bastogne War Museum, il suffit d'envoyer Ravel maintenant, R-A-V-E-L au 6003 pour 75 centimes le message. Vous faites ça, vous envoyez votre SMS. Puis dans quelques minutes, je vous rappelle, vous repartez avec vos 4 entrées. Je vous dis bonne chance. Bonsoir Leslie Kebel. Bonsoir. Vous bonsoir êtes tout le monde. La productrice de The Voice, on vous entend rarement, mais vous êtes toujours présente sur les primes. Hein. Ah oui, là je suis toujours derrière, on va dire, pour vérifier que tout se passe bien. Leslie, aujourd'hui, The Voice est dans l'actu, puisqu'on connaît la liste du jury de cette année, les personnalités qui seront assises dans le fameux fauteuil rouge, dans les fameux, oui, puisqu'il y en a plusieurs. Alors on fait un tour ensemble, il y a une connue de l'émission, BJ Scott. Hey. On fait le tour et puis on revient dessus sur ses choix juste après, Leslie. Il y a aussi Quentin Mosiman qu'on connaît bien sûr. Un revenant, Marc Pinilla de Suarez. Et sur le dernier fauteuil rouge, eh bien, des nouveaux, parce qu'ils seront deux, Big Flo et Oli. Alors Leslie, en tant que productrice de The Voice, c'est vous qui choisissez les artistes qui font partie du jury ? Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas seule, évidemment. J'ai mon assistante préférée qui s'occupe de la programmation artistique et puis le directeur de la télévision, François Tron, évidemment. D'accord. Et comment se fait ce choix ? Par exemple, BJ, on a beaucoup entendu parler de BJ ces dernières semaines. Il y avait des journalistes qui disaient qu'elle ne serait pas là, qu'elle ne signait pas, qu'elle n'était pas d'accord avec la prod. Comment ça se passe ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi vous avez choisi donc, de garder BJ, de garder Quentin, de faire revenir Marc Pigna ? Et alors, c'est arrivé de Big Flo et Oli, on y revient plus tard, c'est un peu surprenant. Bon, le tout, c'est de savoir, le banc des coachs, il se choisit, on choisit les quatre, enfin, en l'occurrence ici, cinq, en même temps, puisqu'il faut qu'il y ait un équilibre. Ouais. Donc, ce n'est pas chacun individuellement. Parce que si on prend BJ, on sait qu'on ne va pas prendre une deuxième femme qui a le même genre, style de musique, par exemple. C'est ça, oui. Donc là, il y a toujours, on essaye de varier les plaisirs musicaux. Mais BJ, évidemment, elle était incontournable. Elle est là depuis le début. En plus, elle a gagné l'année passée. Et je pense qu'elle est fort plébiscitée. Donc BJ, on la gardait. Et puis Quentin, ben, c'est un showman. Donc en tant que productrice télé... Ah, pour la télé, on l'aime bien, oui. Ah, on l'aime bien. Et puis il est charmant, il amène du pep, du rythme. Donc ça, on voulait le garder aussi. Et puis... Et puis, Marc, ça faisait déjà 2-3 ans qu'on avait envie de le récupérer. Et puis là, il nous a dit « Oh, pourquoi pas ?» Et puis petit à petit, et Quentin s'entendait très très bien avec Marc, BJ aussi d'ailleurs. Ouais. Puis on s'est dit « Si on met Marc, ça fait 3 anciens, donc il faudrait peut-être des nouveaux, puisque les Cats on Trees nous avaient dit dès le départ qu'ils ne faisaient qu'une saison. Mm-hmm. » Donc on savait que les Cats... partait, et on savait que Stanislas aussi, parce qu'il est en création de son nouvel album, n'allait pas rester non plus. Et The Voice, forcément, c'est une aventure qui prend du temps pour le jury. Hein. Oui, voilà, ça prend beaucoup de temps. Pour un coach, ça prend énormément de temps. Et puis, on a gardé l'audace qu'on a eue depuis le début. On est audacieux, on est novateur, on est toujours à la mode. Et on s'est dit, on prend des rappeurs. Et qui sont les rappeurs les plus en vogue du moment ? C'est Big Flo et Oli. Clairement, mais on après, parle que d'eux, oui. Et après, on s'est un petit peu renseigné sur eux parce que c'est pas pour ça qu'ils font des bons coachs. Mais en fait, ce sont des rappeurs, ce sont des musiciens. Ils ont fait le conservatoire et donc ils ont ce qu'on appelle un background assez costaud de musical et de coaching. Et donc voilà, on est rentré en négociation avec eux et ils étaient enchantés de faire partie de l'aventure. Parce que ça, c'est clairement la critique que vous risquez d'entendre. C'est comment est-ce que des rappeurs vont pouvoir justement coacher des artistes qui vont arriver peut-être avec un autre style de voix. Ça veut dire que vous cherchez peut-être un Slimane belge cette année ? Ah, pourquoi pas ? On y a pensé, donc. Pourquoi pas ? Mais, bien évidemment. Mais là, je pense que tout le monde... Je comprends que tout le monde se pose la question, mais je pense que dès la première émission, tout le monde va... Nous, on leur parle beaucoup, donc on voit ce qu'il y a en eux. Et donc, je suis certaine que tout le monde va être enchanté une fois la première émission. Mais ça veut dire que quoi ? Que eux vont chercher plus des candidats dans le style de musique qu'ils font, c'est-à-dire plutôt rap, R&B, en tout cas musique urbaine, ou la consigne pour eux, enfin s'il y en a une, c'est de chercher dans tous les styles. Peut-être qu'ils vont recruter la nouvelle Céline Dion qui n'a rien à voir avec leur univers musical. Ah bah, c'est vraiment curieux que vous disiez ça, parce que justement, non, il n'y a pas de consigne. Ça, c'est clair que nous, on ne donne pas de consigne aux coachs. Et eux nous ont dit, c'est pas parce qu'on est rappeur qu'on va choisir des gens qui ont un timbre pour aller avec du rap. D'accord. Je serais bien étonnée, parce que nous, notre historique musical qu'on a vécu chez nous en famille, parce qu'ils sont deux frères, c'est du Brel, c'est du Brassens. Donc on va chercher des voix, on va chercher des univers musicaux qui sont peut-être très éloignés de notre univers à nous. Donc je pense qu'on aura beaucoup de surprises. Ça s'annonce être une belle saison. Les castings sont ouverts et ça démarrera quand ? Vous pouvez nous le dire ou pas ? Mais ça, je ne peux pas vous dire. Allez, Leslie. Non, je ne peux pas. Allez, il vous faut quoi ? Mais non, parce qu'alors la concurrence va hop sauter sur la date et ouais, c'est ça. Comprenez, c'est ça. Sinon je l'aurais fait avec plaisir. Ils n'ont pas compris avec le temps que de toute façon, face à The Voice, ils peuvent rien faire. C'est un peu vrai. Merci Leslie d'être passée ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne saison de The Voice. À bientôt. C'est très, très gentil, merci, au revoir. Il est l'heure de rester dans la musique avec Marc Toesca, c'est l'histoire de Void. Voici Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Aujourd'hui, Pop Story vous replonge dans les charts et les tops du mois de septembre 1986. Mais que se passait-il il y a trois décennies dans les classements planétaires des meilleures ventes de disques? Eh bien, vous dansiez, à peu près sur tout et n'importe quoi. Qui se souvient par exemple de MC Miker et DJ Zen, deux rappeurs hollandais qui dégèlent les dance floors avec cette version de Holiday que Madonna elle-même n'a jamais renié. Septembre 86, c'est aussi le mois et l'année des reprises qui cartonnent. À peine sorti de son groupe d'origine Bronski Beat, Jimmy Somerville fonde les Communards et mute en sorte de lutin disco. Numéro 1 du top 40 anglais avec la reprise de Don't Leave Me This Way, notre petit blondinet sautillant réapparaît comme le fils naturel de Tintin et Olivia Newton-John. Putain, tu m'étonnes, John! Le même jour aux États-Unis, c'est encore une reprise qui est numéro 1 des ventes. 1986. Venus des Shocking Blue que Bananarama, le trio d'anglaises délurées mais néanmoins bombe incendiaire, revisite 20 ans après en version fluo et boule à facettes au plafond. C'est Marcel à la technique et Roger au platine. Bienvenue au Macumba! Chez nous, au mois de septembre 86, c'est un groupe français et même originaire de Toulouse qui dégomme tout sur son passage. Aujourd'hui encore, Les Démons de Minuit restent un des plus gros succès de vente de 45 tours. Les chiffres sont juste démesurés et 30 ans après, en soirée, en discothèque et dans les salles des fêtes, la chanson est toujours aussi imparable. La preuve, c'est parti avec Images. Marc Toesca. C'est resté 13 semaines numéro 1 des ventes en 1986. Images, Les Démons de Minuit. Les Démons de Minuit. Pop Story. L'histoire des hits. Avant 19h dans le 5 à 7, je vous offre vos 4 entrées pour aller au Bastogne War Museum. En famille, 4 entrées, en un ami, vous faites ça avec qui vous voulez. Vous envoyez Ravel pour vous inscrire, R-A-V-E-L au 6003 pour 75 centimes. Le message, vous souhaite bonne chance. Avant 19h et le tip-top, vous entendrez Bruno Mars, Treasure. On va parler aussi du miel. Le miel que vous risquez de trouver moins facilement peut-être cette année que l'année dernière, puisque le secteur apicole parle de plus de 50% de baisse des récoltes. On y revient dans un instant dans le 5 à 7 sur Vivacité. Et puis bien sûr, les meilleurs moments des enfants de cœur, tout ça, c'est dans le quart d'heure qui arrive. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. À Spa, le Pouhon Pierre Legrand accueille deux expositions exceptionnelles. Johann Miro, 140 œuvres, l'une des quatre plus grandes collections permanentes au monde. et 50 œuvres du célèbre Andy Warhol. Deux artistes prestigieux, deux expositions incontournables. À voir absolument. Renseignements, spatourisme.be. Vivacité et le Play-In 2016 présentent les Jeux Olympiques, un spectacle musical inédit. Avec un orchestre de 120 jeunes et athlétiques musiciens. Le samedi 27 août à 20h30 à la salle Oberbayern de Wem. Renseignements et réservations sur playin.be ou au 080 67 81 93. 5 à 7 avec Cyril. Parler de miel, ben c'est normal, hein, on parle de Maya l'abeille. On va écouter un peu Maya l'abeille, ça fait plaisir. S'envoler à travers le ciel, cette petite abeille porte le nom de Maya. Comment ? Petite Wimès piègle Maya. Maya l'abeille, elle va faire la gueule, Maya l'abeille. Parce qu'il n'y a plus de miel, il n'y a plus assez de miel. 50% de baisse de récolte en 2016 par rapport à 2015. Ça concerne la France, ça concerne la Belgique. La production de miel s'est littéralement écroulée cette année, on peut le dire. Étienne Bruno, vous êtes administrateur délégué du Centre Apicole de Recherche et d'Information. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Est-ce que comme Maya l'abeille, vous êtes triste ce soir ? Aujourd'hui, il fait beau, mais c'est vrai que la saison qu'on a connue cette année-ci était assez catastrophique pour les abeilles. Mais alors, c'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On manque d'abeilles, elles bossent plus assez. C'est quoi la raison de cette baisse de 50 %? C'est quand même énorme. Oui, c'est même, à mon avis, plus de 50 %. Aujourd'hui, on est toujours dans les estimations, mais le climat, il faut dire que le printemps ici a été assez mauvais. On a juste une fenêtre, et encore pas dans toutes les régions, avec une dizaine de jours de beau temps pendant lesquels les abeilles ont pu récolter. Mais l'été, je suppose que comme beaucoup de Belges, vous l'avez constaté, il a vraiment été très mauvais. C'était pas terrible, ouais. Donc c'est zéro, pratiquement zéro partout pour l'été. Donc il faudra chercher ces miels d'été cette année. On parlait beaucoup de la disparition des abeilles, du fait qu'il n'y en avait plus assez. Donc là, on n'est pas sur le même problème, c'est qu'elles n'ont pas eu l'occasion de butiner correctement cette année. C'est ça, en fin de compte, ce sont deux problèmes un peu différents. Cette année-ci, il y a eu moins de pertes parce que l'hiver était très doux et donc les pertes étaient relativement réduites et les apiculteurs s'attendaient à faire une belle saison. Mais vu les conditions climatiques assez infernales que nous avons connues, le miel, il est resté dans les fleurs, si on peut parler comme ça. Mais c'est assez courant en Belgique quand même que le temps soit comme ça pendant l'été. Pourquoi cette année plus qu'une autre année ? Ici, disons, ce qui se passe, c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, la Belgique est un climat très variable, mais on a souvent des fenêtres de 10 jours, 15 jours de temps correct. Et ici, ouais, ça a été très court. Il a fait très froid, très humide, et donc quand il pleut tout le temps, les abeilles ne sortent pas. Les abeilles ont besoin de soleil, hein, rien à faire, c'est un insecte de lumière. Et elles font quoi pendant ce temps-là, alors ? Ah, maintenant, ça va, elles ont fini, la saison est terminée maintenant. Elles préparent déjà leur hivernage. D'accord. Donc là, elles rebouchent les trous et elles vont s'enfermer pendant l'hiver. Exactement. Elles récoltent encore un peu de miel, mais alors là, maintenant, c'est pour elles. Ce n'est plus pour l'apiculteur. Ok, bande d'égoïstes. Et si justement, elles n'en ont pas donné assez pour l'apiculteur, elles ne peuvent pas enfiler maintenant ? Ouais, là, vous pouvez aller leur demander, mais là, vous risquez de les perdre cet hiver, alors. D'accord. Ah oui, ça, c'est pas le but. Ce sera embêtant pour la saison prochaine. C'est-à-dire que le miel, dans les prochains mois, va être plus cher ? Il faudrait voir les apiculteurs, mais il risque d'être difficile à trouver dans certains cas, en tout cas. D'accord, on espère qu'on pourra quand même en trouver un petit peu. Et sinon, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que l'été prochain soit meilleur, alors. Ah oui, tout à fait. Et déjà qu'on ait un bon hiver, ça serait une bonne chose. Et que les abeilles repartent en pleine santé pour l'année prochaine. Quand vous dites un bon hiver, c'est-à-dire qu'il leur faut quoi aux abeilles ? Un hiver qui est, j'ai envie de dire, normal, ce qui est bien rare aussi, c'est-à-dire un hiver qui est pas trop froid, mais qui est assez homogène. D'accord. Ce, ce sont les grandes variations de température en hiver. Elles sont perdues sinon, si ça change tout le temps. C'est pas très bon. Ok, merci pour vos explications Étienne. On espère qu'on pourra quand même déguster du bon miel wallon. Et puis sinon, on attendra la semaine, j'allais dire, l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Bonne soirée. Il y aura quand même un peu de miel, hein, vous en faites pas. Un petit peu, mais il faudra se ruer dessus, c'est ce que je comprends. C'est ça, exactement. Merci Étienne, très bonne soirée à vous. Merci, à bientôt. Voici le best-of des enfants de cœur tout de suite. On va retrouver Cody aux côtés de Jean-Jacques Brunin. Ne me savez pas la tête. Les enfants de cœur. Ah, quel merveilleux jingle. Alors, chers amis de Wignier, je ne sais pas comment on dit, comment on appelle les habitants de Wignier, d'ailleurs, les Wignolais et les Wignolaises, voilà. En fait, j'ai un petit souci, Jean-Jacques, parce qu'en fait, quand vous nous avez parlé de Wignier, d'abord, j'ai cru que vous vous foutiez de ma gueule et que vous tentiez de faire une mauvaise imitation d'un Antillais qui voulait parler de Monaco. Hein. Je vais voir le prince Wignier, enfin... Oui, ben vraiment. Et puis Dino a pris une carte routière et il m'a dit, mais non, Cody, mais non, c'est là qu'on va. Regarde, hein, regarde sur la carte, là, on va là, Wignier. Et là, j'ai cru que Dino se foutait de ma gueule en chantant un générique de Spider-Man avec un mauvais accent guadeloupéen. La Wignier, la Wignier. La Wignier a pété et ça sent la chicoué. Point garde quand la Wignier est là. Voilà. Voilà comment gagner 30 secondes sur ma chronique et un petit peu de rire du public de Wignier. Merci. Je rappelle que pour les tentatives d'applaudissements, c'est soit tout le monde, soit personne. Pas d'initiative personnelle. Parce que de toute façon, en réalité, je le savais depuis le début qu'on venait ici. Hein, je n'ai aucune raison de renier Wignier. Combien de temps tu penses que tu peux te foutre de notre gueule avec des jeux de mots pourris sur Wignier? Bonne question. Et je dirais que la réponse est « Je vous emmerde, il n'y avait rien sur Wikipédia. Hein » Alors, je ne sais pas qui s'occupe du site internet de la commune, mais s'il y en a un, il faut le référencer. Hein, parce qu'en tapant Wignier sur Google, j'ai fait tellement de recherches que j'ai fini par tomber sur la vidéo d'un singe déguisé en cow-boy qui fait du rodéo sur le dos d'un chien, sur de la musique country dans un terrain de baseball et qui gagne une petite coupe de champion du monde de monkey rodéo, comme ça qu'il a brandi cette petite coupe et qui prend le micro pour dire « Excuse me, I want to dedicate, je voudrais dédier ce trophée à tous mes amis, à Wignier, mais aussi le Migal, le Religious Man, les Arachnéens. » Je me fais rire moi-même. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a aucune information. Peut-être que vous essayez de cacher volontairement quelque chose, des infos. Hein. Ou alors tout est parfait ici et comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc s'il n'y a que des bonnes nouvelles à Wignier, ça voudrait dire que la commune est la plus heureuse de Belgique. Par conséquent, elle mériterait qu'on en parle beaucoup plus au journal. J'imagine déjà l'ouverture du JT. Madame, monsieur, bonsoir. La commune de Wignier a décidé d'augmenter les salaires de ses habitants de 250%. Pour fêter cela, tous les fonctionnaires de la commune ont prévu de travailler. Fait divers, le petit Kevin Bryan habitant la rue Pip à Wignier est bien rentré du catéchisme à son domicile sans aucun problème. C'est tout, hein, c'est rentré. C'est une bonne nouvelle. Sport, le thé dansant de l'amicale des 4x20 de Wignier s'est soldé par un match nul dans l'épreuve du tir à l'accordéon entre Marie-Renée, 82 ans, et Ildefonse, 93 ans. Le match retour se jouera en deux hanches artificielles. Autre bonne nouvelle à Wignier, la traditionnelle bénédiction des chevaux et des animaux a cette année été couplée avec la première communion de Flèche d'Argent, le poney du bourgmestre Monsieur Godin. Monsieur Godin a d'ailleurs déclaré « Ah, je le vois encore bébé et maintenant il est déjà poney. » Je n'ai plus aucun sushi à me faire. Alors... Ce jeu de mots vous avait été offert par l'Académie Christophe Bourdon. L'Académie Christophe Bourdon devenait scandaleusement ruche. Et c'est la fin de ce journal consacré à Wignier. Je vous remercie de l'avoir suivi et comme on dit ici, pour vivre heureux, venez à Wignier. Merci Cody. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be et sur la page Facebook de l'émission. Et puis ne manquez pas l'inédit aussi des enfants de cœur, ça reprend ce dimanche sur Vivacité 18h56. Dans un instant le tip top avec Philippe Jonio et puis juste avant on va aller chez Michel qui est au téléphone. Bonsoir Michel. Bonsoir Cyril. Vous êtes de Lavaux-Sainte-Anne, c'est bien ça? Non. Du tout, je suis de Donfeuille, près de Warem. Ah d'accord, c'était pas du tout dans le même coin effectivement. Michel, est-ce que vous aimez les musées? Tout à fait, oui. Est-ce que vous aimez la guerre? Oui. Eh ben à ce moment-là, vous êtes fait pour aller au Baston War Museum. C'est vraiment la guerre. Voilà, ben vous allez pouvoir vous amuser là-bas, mais en tout cas passer des bons moments. Il y a des scénographies, il y a des représentations de ce qui s'est passé du côté de Bastogne. C'est un magnifique musée, le Bastogne War Museum, que vous irez voir avec qui vous voulez, puisqu'il y a 4 entrées pour vous. C'est bien gentil, un tout grand merci de votre part. En tout cas. Eh ben avec plaisir, je vous souhaite une excellente soirée, Michel. Tout ça, c'est grâce au beau vélo de Ravel à 365.be et à Ciné Télé-Revue, notre partenaire. Bonne soirée, à bientôt, Michel. Au revoir. Merci, au revoir. La soirée, elle va être bonne d'office, puisqu'on va la passer en partie avec Philippe Jauniaux pour le Tip Top. Bonsoir, Philippe. Salut, Cyril. On a juste les meilleurs côtés musique de Vivacité avec nous pendant 60 minutes. Et en plus, le meilleur animateur. C'est vrai aussi, mais j'osais pas trop en parler. Surtout devant vous, Cyril. Surtout devant vous. À demain. Bonne soirée. On arrive juste après les infos de 19h avec Enrique Iglesias, qui est 9e dans le classement. À tout de suite. Et déjà la nostalgie ce mercredi dans le 8-9. Pas la nostalgie des vacances, la nostalgie des années 80. Caroline Loeb viendra nous raconter ses années de A à Z. De la musique à Dallas, en passant par ses rencontres avec Madonna ou la croisière s'amuse. Et vous, vous aviez quel âge en 1987? Répondez pas maintenant, répondez ce mercredi dans le 8-9 sur la Une Télé et sur Viva. Le 8-9, avec Benjamin Maréchal. Perfecti. La référence pour tous vos travaux en hauteur. Et l'incontournable pour la vente et la location d'échelles, échafaudages, nacelles et tout autre équipement de chantier. Perfecti. C'est aussi les protections individuelles et les vêtements de travail sneakers. Perfecti. Perfecti. Les pros l'ont choisi. Perfecti. À Liège-Bressous et sur perfecti.be. La rentrée approche et Sud-Presse vous aide à planifier cette nouvelle année. Ce mercredi 24 août, recevez votre calendrier scolaire à l'achat de votre journal. Le jeudi 25 août, des étiquettes pour cahiers. Et le vendredi 26 août, un calendrier des anniversaires. C'est gratuit avec la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Encore une exclusivité. Sud-Presse. Vivacité présente Fiesta City du 26 au 28 août à Verviers avec Overphonic, Magic System, Les Innocents, Kenneth Heath, Grand Georges, Hugo, Jacques Stotzem, Gaëtan Stray, Boogie Boys and the Woogies. En concert gratuit. Toutes les infos sur fiestacity.be avec le soutien de la province de Liège, l'Avenir et la Loterie Nationale. Le beau vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Mété comme si vous y aviez participé avec les animations solidaires de Cap 48, les initiations sportives de l'ADEPS, les milliers de beaux héros escortant Nicolas-Xavier Ladouze dans l'Entre-Sambre-et-Meuse avant le grand retour de Suarez, ce dimanche après-midi sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Il est 19h. Natacha Stragé, bonsoir. Soleil et chaleur sont annoncés jusqu'à dimanche, 30 degrés, largement dépassés même dès demain. Plusieurs jours de suite comme cela, on n'en avait pas encore vraiment profité cet été en Belgique. Un sursaut qui est donc le bienvenu, notamment pour les piscines publiques extérieures. Martial Gio s'est rendu au domaine de l'Hirondelle à Otep, près de Huy. Ses 8 toboggans et 4 piscines font de ce parc aquatique l'un des plus grands de Wallonie. Ambiance. Franchement, c'est le top. Avant la rentrée des classes, c'est parfait. Il y a du soleil, vous en profitez. Obligé. Et vous avez eu l'occasion de beaucoup en profiter cet été? Pas trop. Avec le temps qu'il y a ici, c'est rare. Dans les prochains jours, on annonce toujours du beau temps. Vous allez revenir? Oui, on reste ici toute la semaine. Donc, il n'y a pas de problème, on sera là.